Ben pour le podcast du 22 octobre 2012. Salut tout le monde, comment ça va? Pour commencer, je vais vous faire une petite introduction de mes camarades qui vont être avec moi pour ce soir. Alors, pour le premier, comme le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y a quand même deux identités. C'est le gars qui aime mon petit poney, puis c'est le gars qui serait capable de bouffer une chauve-souris. C'est Monsieur Antithèse! Hello tout le monde, comment ça va? Je suis vraiment content de t'entendre, mon ami. Yeah, ouais, surtout avec l'aventure, ou surtout la mésaventure qu'on vient de vivre. Ouais. Oui, vous entendrez ça un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, mon deuxième invité, comme le Frankenstein, il est en train de bâtir un monstre en forme de Skylander Giant. C'est Monsieur Retro Gamer PQ. Wouhou, salut! Un gros monstre qui coûte cher. Pas mal, ouais. Un gros bill. Et notre dernier, comme Dracula, il s'endort pendant plusieurs mois, mais pour nous venir en grande forme, c'est le grand retour de Review RCE. Je suis là, oui, avec un fond de tout. Ah, oh, merci. T'étais vraiment manqué sur le site, c'est plusieurs personnes envoyaient des messages pour ton retour, le monde s'inquiétait, mais tu nous as donné espoir avec une vidéo et une nouvelle critique. Ouais, j'ai vu que tu m'as envoyé plusieurs messages, hey, il s'ennuie de toi. Mais je vais prévenir mon retour bientôt, il faut que je fasse de quoi, puis finalement, je me suis mis, puis ça a donné ce que vous avez vu dernièrement. T'as eu des très bons commentaires sur ta vidéo. Ouais. Vraiment génial. Ton retour est revenu. Vraiment, t'es revenu en force. Fait que... Ça a été un beau comeback. Ah, oh, oui, sérieux, c'est une très bonne critique. Avec brio. Oui. Quoi de neuf, les gars? Je vais commencer avec notre cher Retro Gamer. Jasé, je pense. Veux-tu vraiment que je te le dise? Encore? Ah, mais tu me l'as dit avant que tes micros soient ouverts. Fait que. Je dépense pas mal pour Skylanders Giant qui est sorti dimanche. Ça fait des mois que j'en parle dans tes podcasts. Oui. Première impression sur le jeu? Une nette amélioration sur le premier jeu. Ah oui? Oui, et une très grosse amélioration. D'ailleurs, j'ai préparé une vidéo pour ça après l'Halloween. Oh, c'est génial. Fait que c'est un must-have. Oh oui, définitivement, si vous êtes un fan de Skylanders ou si vous aimez collectionner des figurines qui sont bien faites, Skylanders, ça vaut la peine. Antithèse, toi, quoi de neuf? Quoi de neuf? Avec ma récente acquisition de, enfin, Final Fantasy VI au Game Boy Advance, ben j'ai également pogné, parce qu'il faut savoir que moi, je savais pas, que j'ai fait ça par l'achat par l'entremise d'un ami. Il me dit, ah, dude, Final Fantasy VI, ça a coûté 15$. J'en ai parlé au dernier podcast, right? Mm-hmm. Moi qui travaille en courrier, ben, je reçois son paquet. Là, je touche le paquet, puis genre, je touche deux jeux. Ok, il s'est peut-être commandé un jeu. Mais ensuite, je me suis rappelé que la fois d'avant, il a pété sa propre DS. Ok. Fait que c'est comme c'est en passant comme ça que le gars s'est ramassé à avoir Dishonored pour 2$, c'est parce qu'il a vendu 3 jeux de Pokémon et les 2 jeux de Zelda sur DS. Alors ça lui a donné un beau crédit d'à peu près quasiment 60$. Ok. Alors, comble de bonheur, une nouvelle, plutôt, j'ai renouvelé avec une obsession de quand j'étais adolescent. Ok. Qui est Yoshi's Island? Ah, ouh. Il est bon ce jeu-là. C'est justement, alors, comprends-tu la joie? Je savais pas que j'étais pour avoir ce jeu-là, puis je vois Yoshi. Ils ont fait le jeu de Yoshi sur Game Boy Advance, je ne savais même pas. Oui, même ceux qui sont membres du programme ambassadeur, genre Marilyn. Oh, le jeu qu'elle a reçu gratuitement à cause qu'elle a acheté sa console avant tout le monde. Fait que... uh-huh. Grâce à elle, j'ai la chance d'aller jouer sur sa 3DS à elle. Elle est pas contente d'habitude quand je vais jouer. Elle me regarde et dit hey, t'aurais dû l'acheter dans le temps! Je suis comme ouais, je pensais que les jeux allaient sortir sur Game Boy. Les jeux allaient sortir peu de temps après, tu sais, en vente. Il aurait dû, mais c'est pas ça. Ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche, voilà. Non. Alors, le message à Marilyn, écoute, on partit de Yoshi Island. Mm-hmm. Fais un peu preuve de compréhension! Mm-hmm. Oui, c'est un excellent jeu. Puis le pire, c'est que je l'ai même pas. Je l'ai pas sur GBA, je l'ai même pas sur Super Nintendo. Fait que ma déception est là. Puis même sa Wii Store, elle est pas à vendre. Elle est pas sa Wii Store, non. Il n'y avait pas une version DS de Yoshi's Island? C'est un autre jeu. C'est un autre jeu, carrément. C'est Touch and Go, je pense que ça s'appelait. Oui. Yoshi Island. Ouais, mais t'as aussi Yoshi Island DS, je pense. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est Touch and Go. Puis t'avais ouais, la chance d'avoir Peach, puis t'avais bébé Peach, puis t'avais un autre bébé. T'avais même pas. Oh. C'est pas Donkey Kong? Non, non, c'est un autre. Mais Yoshi's Island, il était pas sorti sur Game Boy Advance? Ouais, oui, il est sorti sur Game Boy Advance. Qu'on parle. Ok, c'est ça. Ok, je suis mêlé dans la conversation. Là. Non, c'est parce qu'il y avait une version DS également, mais c'est comme une suite. Ok, ok, c'est un autre. La version de Nintendo qui était refaite sur DS. Ouais, sur en tant que Super Mario Advance 3, ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il a une Marilyn là, sur cette 3DS, la chanceuse. La très chanceuse. Oui, alors, je m'envoie des fois voler sa cassette, ben son 3DS pour ça. C'est clair. Puis toi, ouais. C'est là, qu'est-ce qui se passe d'abord? Mon dieu, par où commencer cette mois? En gaming. Ouais, sans donner de nouvelles. En gaming, ben disons que ma collection de jeux 360 s'est garnie un peu. J'ai joué à Street Fighter Cross Tekken. J'ai joué à Marvel Ultimate Alliance 2. Je me souviens qu'on avait joué chez vous le premier. Là, oui, j'ai poigné le deuxième. Puis j'avais vraiment aimé. Je l'ai fini à deux fois. Mm-hmm. Ah, il est bon. J'ai aussi à Metal Gear HD Collection. Puis ça me fait toujours penser à Dark Smile chaque fois que je vois Raiden. Puis. Comment il détestait. Avec sa belle chevelure blonde. Mais le pire, c'est qu'au Japon, il adore ce personnage-là. Là. Oui. C'est pour montrer à quel point qu'on est totalement deux peuples différents. Là. Ah ouais. Le dieu du tonnerre, ben, il est pas très frappant, je trouve. Non, non, il y a de la plus d'une fifure. Moi, surtout quand je vois. Non, je joue une 4. Je vois le robot au début, je suis comme nice, tu sais, il y a du guts à cette heure. Puis là, genre, il est en train de chier les restants du jeu. Je suis comme ah, tabarnan, ferme ta gueule, si t'es un robot. C'était emo. Il était emo pas à peu près. Là. Un robot emo. Oh. Je pensais pas que c'était. Il croyait tout le temps, il y avait des larmes de je sais plus, son espèce de sang blanc. Ouais. C'est ridicule. C'est déjà une espèce de sang blanc, premièrement. Ah bon? Une sorte de liquide qui permet de rester en vie. Là. Ça s'appelle du lait. Sinon, à part ça, ben moi, de mon côté, oui, j'ai eu des donations. Voyez ou pas. J'ai eu des donations. J'ai eu le jeu Retro City Rampage que j'ai eu de l'équipe de l'épée légendaire que je désire remercier. Oui, j'ai reçu un concours. Il fallait juste que je marque mon nom dans un commentaire, puis ils m'ont tiré. Fait que je veux remercier l'équipe de l'épée légendaire de m'avoir donné le jeu. Une critique va s'en venir probablement d'ici mois de novembre ou bien ça va être décembre. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de choses. Je suis en train de finir ma critique de Doom 3. Mais je remercie, j'ai quand même joué, puis j'y ris. C'est vraiment drôle ce jeu-là. Là. Les jokes. En moins 10 minutes, là, j'ai joué à peu près une demi-heure. En 10 minutes au début, j'ai vu à peu près 20 allusions à des jeux de Nintendo ordinaire. Ah ouais, c'est clair. Tu sais, là, un petit bout, tu vois le chien dans Duck Hunt. Un moment, tu vois Megaman. Tu vois d'autres choses. Sérieux, là, c'est bourré de jokes. C'est vraiment hot. Hein? Nice. Ah ouais, c'est petit. Alors, il est cher un peu, 14,99, que j'étais allé voir tantôt. Mais attendez, selon moi, il va y avoir un deal qui va s'en venir parce que, selon moi, il va baisser le prix dans pas long. Parce que... Mais juste répéter le nom du jeu, puis sur quel console qui est disponible. C'est Retro City Rampage, puis c'est sur Steam. Parfait. En téléchargement. Fait que. Ben moi. Je sais pas s'il est ailleurs, je l'avoue. Il va être à Wii Shop, d'après ce que je vais savoir, d'après ce que je vois exactement. S'il sort sa Wii Shop, ça va peut-être valoir la peine. Effectivement, il était supposé sortir sa Wii Shop. C'est vrai, merci Reto. Tu m'as rappelé qu'effectivement... En tout cas, j'ai bien ri. La seule chose qui m'agace un peu, c'est le contrôle sur le clavier. Faudrait que je rajoute Joy2Key pour céduler une manette. Là. Okay. Parce que je trouvais que c'était quand même pas assez intuitif parce que tu avais à peu près une dizaine de boutons à utiliser. Là. Si tu veux tirer, faut utiliser Shift. Si tu veux te cacher derrière un mur, c'est contrôle. Genre, et... t'avais à peu près un autre bouton pour faire une autre action. Ça m'a comme agacé un peu, mais j'imagine qu'une manette, ça doit être beaucoup plus facile. Mm-hmm. Ton ordi, le prends-tu bien ou c'est. Oh, super bien. Oh, oui, y a pas de problème. Ok, ben ça a l'air intéressant. Puis moi, j'ai un laptop pas vraiment fait pour le gaming, là, mais peut-être que ça pourrait marcher. J'ai la page 7, je vais te dire c'est quoi qu'il faut minimalement. Toi, il demande 1 GB dans ton processeur, 256 MB de RAM, une carte graphique avec Pixel Shader, 40 MB de disque. Puis devrait et en plus ils me disent devrait tourner sur n'importe quel PC sorti dans les 5 dernières années. Ça devrait être correct. Les anciennes comme celles trouvées dans les netbooks pourraient ne pas supporter le filtre graphique bonus. Ça répond à peu près à ta question là. Ouais. Puis sinon, par ça, j'ai reçu aussi une donation d'un membre de notre forum. Moi, je suis sûr, ça se peut que je me trompe, mais je pense que c'est Kevin TMNT qui m'a donné Dota 2, une invitation pour le jeu Dota 2, ce qui est sur Steam également. C'est des invitations qu'il donne en ce moment. Alors, c'est vraiment cool. Je vais l'essayer au courant de la semaine, demander quand je vais avoir un peu plus de temps. C'est un jeu RPG un petit peu hack and slash en équipe, fait que ça va être nice, là. Je vais essayer ça à m'emmener là. Puis sinon, ben, je projette de m'acheter Double Dragon Neon. Yeah. Ouais, des excellents commentaires partout, fait que là, je suis vraiment motivé à l'acheter là. Ça a l'air vraiment cool là. Écoute, si ma blonde a trouvé ça cool à jouer avec moi, que toi pas tu vas trouver ça cool. Oh, génial là-bas. J'adore Double Dragon, j'ai toujours adoré ça. Mis à part le mauvais 5 qui est sorti sur Super Ah, mais Nintendo. ça, non, je refuse de mettre ça dans les Double Dragons. Ça comptait pas. Compte pas. On s'entend là, ça ne compte pas. Il n'existe pas. Il n'a jamais Quoi? existé. Quoi? De quoi qu'on parle là? Je sais pas. C'est bon. Il y en avait un au Genesis, non? Ouais, j'ai les deux pires. Je vous recommande, si jamais vous voulez avoir écouté un excellent un résumé de toute la saga Double Dragon, il y a l'équipe de Rétro Nouveau qui a parlé du jeu, qui ont fait vraiment un gros dossier là-dessus. Fait que je vous conseille d'aller checker ça sur iTunes. Si jamais vous voulez entendre parler un petit peu de Double Dragon, sérieusement, il en parle pendant quasiment 2 heures, puis ça en est vraiment bourré là, d'informations là-dessus. C'est vraiment nice. Cool. Ouais, c'est vraiment cool. Sérieux, suivez la gang de Rétro Nouveau. Moi, je joue souvent avec Papa Cassette sur Twitter. C'est un gars dans le rétro gaming qui est très très bon. Puis il y a Bruno Georget aussi qui fait partie de l'équipe de Monsieur Net qui fait partie de cette équipe-là finalement. C'est vraiment nice. Puis ils nous ont déjà plugué dans un des podcasts. Puis il a plugué également personnellement Rétro Gamer. Ouais, il m'en souvient. Fait que c'est vraiment nice. C'est des mon gars, puis ça vaut la peine de les connaître. Sinon, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous désirez jaser avant qu'on embarque dans les nouvelles? Pas particulièrement pour moi. Non, on va voir où est-ce qu'on s'en va là. Ok. Bon, on va commencer avec les nouvelles. Faisait un petit bout qu'on. Ça va faire du bien de voir CA dans l'équipe, voir aussi tes nouvelles, ta vision sur certaines choses. Oui, ok. On va commencer avec. Sega nous a annoncé une nouvelle collection qui va sortir en téléchargement. Ouh, ouh, ouh. Et ça Oh, s'appelle. oui. Modèle 2 Collection. J'ai vu le trailer, oui. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est que c'est 5 jeux qui sont pas sortis encore en téléchargement, qui n'ont pas été disponibles encore en copie physique pour depuis un méchant bout. Ça contient Virtua Fighter 2, Fighting Vipers, Sonic the Fighters, Arc, excusez-moi, Virtua Cyber Troopers et Virtua Striker. Il parle que les jeux coûteraient à peu près 800 Microsoft Points, donc à peu près une dizaine de dollars de notre côté. Et les jeux ne sont pas en remake, il n'y a pas de 16-9, mais il va y avoir des modes en online pour les jeux de combat, fait que ça va être vraiment cool. C'est du Sega CD, ça? C'est du Sega, non, ça ressemble plus à du Saturn. Ok, c'est du Saturn. Oui, c'est du Saturn. Virtua Fighter 2, tu le Ok. vois à l'arcade. En gros bonhomme pixel. Mais ça va être juste un téléchargement. Ouais, dans téléchargement, oui. Ok. Non, ça va être nice. Mais il y a le très mauvais Sonic Fighters que je comprends pas pourquoi qu'ils le sortent. Sérieusement, je pense que ces gars ont pas compris la leçon. Non. C'était très mauvais comme jeu de combat. Vous voulez jouer? Oh, c'était mauvais, mais ils vont en payer le prix. Personne ne va le downloader, donc. Ouais, mais c'est pour les fans finis de Sonic, là. Ouais, il l'avait sur le GameCube, celui-là, par exemple. C'était dans la collection Gems. Ah, ok, je l'ai pas ça. Ah, il est peut-être sur le. Il est sur Sega Mega Collection Plus aussi? Non. Sonic Mega? Non, je pense que c'est juste Non. dans le Gems. Non, il est pas sur Ah ouais? Mega J'ai la version PlayStation 2, je pense que c'est Gems, non? Il l'a... Même si j'ai le même jeu que toi, c'est que ma mémoire, il l'a pas, là. Bon, c'est à vérifier. Puis... Mais, fait, y a un très bon jeu qui est dans cette collection-là, c'est Fighting Vipers, que j'ai déjà essayé. Si vous cherchez un bon jeu de combat, là, sérieusement, j'ai adoré ça. Je vous conseille fortement à l'essayer. Si vous aimez vraiment les Virtua Fighter, plus physique, là, moins de... Ce que j'aime de Virtua Fighter, c'est même si t'es capable de sauter comme ça à lune, là, t'es capable de sauter 12 pieds dans les airs. Mais le jeu est quand même réaliste pour ce qui est du combat. C'est plus. Tu sais, il n'y a pas de pouvoir, rien. Fait que c'est rien que des bons. Des prises. Faut que tu connaisses tes prises, finalement. C'est ça qui est cool. Puis, excusez-moi, j'ai perdu. Fighting Vipers, c'est dans ce genre-là aussi. Sinon, à part ça, il y a une nouvelle qui est tombée la semaine passée qui m'a agacé par rapport à la Wii U. Et par rapport au casque. Au quoi? Pour la discussion en ligne. Ouais. Ouais. On ne pourra pas utiliser la tablette pour discuter. On sait qu'il y a un micro dans la tablette. Et on pensait qu'on pourrait utiliser ce micro-là pour discuter avec nos amis. Ben non, il faut racheter un casque. C'est un casque avec fil qu'il faut que tu branches dans ta tablette. Comme la Xbox 360, finalement. Comme la Xbox 360. Et le pire, c'est que dans la version de la manette Pro, la manette Gamepad normale, il n'y a même pas de prise. Fait qu'il va falloir que tu branches ton casque dans la tablette. C'est très mal fait. Est-ce que cela t'étonne, Big Ben? Je suis déçu. Mais est-ce que ça t'étonne? Est-ce que tu es surpris? Je t'avouerais qu'avec Nintendo, autant qu'on peut être impressionné par certaines affaires que des fois, on est très déçu. Ça peut pas être pire que le Wii Speak, on s'entend, là. Ouais, c'est un fait. C'est une cochonnerie sans borne. C'est sûr que pour ceux qui jouent à des jeux multiplayer et qui chattent, c'est pas une bonne nouvelle, mais personnellement, comme moi qui fais jamais de multiplayer, rien à cirer. Mm-hmm. Ben moi, je suis quelqu'un qui, surtout dans certains jeux comme Resident Evil 6, ben j'aime bien discuter avec les gens... avec qui je joue, puis je jouais à version PS3 de Resident Evil 6. J'étais content d'avoir un casque d'écoute parce que des fois, le gars, je disais non, va-t'en pas là, va-t'en ici, là. Ouais, ok. C'est peut-être plus pour ça, là. Mais bon, on s'entend-tu que Rez, c'est quand même la seule occasion que je joue vraiment avec quelqu'un parce que sinon, l'ordinateur, je veux vraiment pas jouer avec. Mais moi, quand je joue à Operation Raccoon City avec mon chum de gars, on joue sur Skype, fait que. Je veux dire, on se passe Skype à côté de nous autres, puis on s'entend. Ouais, j'avoue. Qui fait la job, oui, effectivement. Mais Big Ben, t'as Resident Evil 6 sur quelle console? Ouais, j'ai été jouer avec mon frère tantôt, mais je veux dire, en fait, la semaine passée, on a joué sur la Xbox 360. Ah, ok. Fait que, on a joué avec ses chums. Hein? Non, j'ai c'est parce que PL avait l'air déçu. Ah, ok. Non, pas encore. Je l'attends j'attends un petit peu parce que je vois vraiment les news de Resident Evil 6. Je suis comme. Le démo m'a pas impressionné, sérieusement. Non, démo, il est trippé de bug. Ça, c'est. Pour toi, même pas de question. La démo puis le jeu, c'est deux. C'est coincé, mais c'est deux choses différentes. Ok. Fait que non, je vais peut-être attendre qu'il y ait une première drop. Attends. Attends quand même. Parce que je veux pas être déçu comme avec le 5. Le 5, j'ai été extrêmement déçu quand j'ai joué. Alors que le 5, tout le monde dit « Oh, c'est le jeu de l'année, c'est ça. » Non. Tout comme le 6. Le 5, ils l'ont toujours comme trop poussé. Là. Ils ont comme... Il a allé loin, là. Puis ensuite, il a allé vraiment loin. Et ensuite de ça, il y a Resident Evil 5. Allé loin. Mm-hmm. Mais il y a... c'est parce que le 6, comme tu dis, c'est là, il y a du monde qui... donne des excellentes notes, mais également, tu vois, sur le net, puis il y a des sites internet qui donnent des mauvaises notes. Il paraît que c'est très répétitif au niveau des histoires. Là. Tu fais pas mal les mêmes choses, mais c'est ce que j'ai entendu surtout. C'est pour ça qu'il y a eu des mauvaises notes, mais ça n'a pas l'air si mal que ça, je trouve. C'est pas si mal que ça, mais c'est je pense savoir d'où c'est qu'il provient l'idée du « Ah, c'est répétitif ». Parce que c'est comme un film de James Cameron. Tu penses que c'est fini? Mais non, il y a plus. Tu penses que c'est fini? Mais non, il y a encore plus. Sauf que côté gameplay, à ce niveau-là, au moins, ben c'est pas juste c'est une cinématique, puis t'as regardé la scène 30 minutes. Non. C'est t'en reviens en action. Là-dessus, en tant que média, tu t'ennuies pas vraiment dans Resident Evil 6. L'important, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que c'est meilleur que Final Fantasy XIII? Ouf! La bonne question. Effectivement, la question de l'année, mesdames et messieurs. Mais ça se compare pas. Ouais, mais... Le 13, le pire, c'est que je suis en train de jouer en ce moment, là. Shame on you. Shame on you. J'essaie de le finir parce que je vois le 2 qui est vraiment pas cher, puis je suis comme... Tu sais, je vois qu'il y a des meilleurs commentaires sur le 2, tu sais, puis je suis comme... N'as-tu vraiment tant que ça? Hein? N'est-ce qu'il y en a vraiment tant que ça des meilleurs commentaires sur le 2? Ben, je vois des bons commentaires. Je jase avec un mec qui adore Final Fantasy, puis lui, comme moi, il déteste le 13, mais le 13-2 est une petite coche meilleure. J'ai fini le 13, ok, là, pendant que j'étais pas là sur le site, j'ai fini le 13, là. Ouais. C'est mon jeu que j'ai joué l'été. C'était pas si mal, mais c'était vraiment très linéaire, ça, y a pas de doute, là. Mais, tu sais, pour... Après, quand t'as fini le jeu, tu te sens pas vraiment... t'as pas envie de... Satisfait. T'as pas envie de continuer à rendre tes bonhommes plus forts, c'est... C'est pas... C'est pas mal. Ben moi, le 13, c'est le feeling. Moi, c'est l'histoire vraiment que je suis mélangé par moment. Là. Moi, c'est... Attends, t'es un si, un false si. Après ça, t'as des psy si. Là, je suis comme... OK, là, je suis vraiment mélangé. Là, en plus, genre... Les choses qui m'agaçaient aussi, c'est les summons. Je suis comme... Arc! Il servait à rien. Shiva est une moto. Shiva est une moto. Mais ça sert à rien, en plus. Shiva est une moto. Ça sert fuck all. Non, je m'en suis servi une fois, je pense. Puis c'est tout. Là. C'est vraiment inutile, les summons. Mais oui, j'ai été vraiment déçu, moi et tout. Là. C'est là. Mais avouez que j'ai réussi à changer le sujet totalement. Bon, ouais. Absolument. Absolument. Fait que non, c'est ça, j'ai été vraiment déçu. Mais je voulais essayer de le finir pour embarquer dans le 2 parce que je le vois qu'il est pas cher, comme 10$ à certaines places. Je suis comme, oh, ça me semble que ça serait bon. Là. En tout cas, pas grave. Sinon, on va parler d'une autre nouvelle de Wii U. Selon Michel Ancel, qui est le créateur de Rayman Legend, de Rayman finalement, il dit que travailler sur la Wii U est vraiment meilleur que sur la PS3 et la 360. Ça veut dire que les graphiques seront un petit peu meilleurs. Mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit finalement. C'est qu'il dit que c'est ce qui me surprend avec la Wii U, c'est que nous n'avons que très peu de problèmes techniques. Le jeu tourne très bien sans que nous soyons obligés d'optimiser constamment. Alors que sur les versions PS3 et Xbox 360 de Rayman Origins, nous avions des problèmes de field rate, qui sont le nombre de pixels générés par une carte graphique à la seconde. Je pense donc que la console est plutôt puissante, étonnamment puissante. Selon vous autres, moi là, je suis sceptique. Ben, pensez-vous vraiment que la Wii U est plus puissante? Moi... Est-ce qu'il voudrait pas plutôt dire que la Wii U serait plus optimale / optimisée en conséquence, en fait? Ben tous les producteurs de jeux ont dit de la Wii U, c'est que la plateforme permettait à tous les programmeurs de mieux programmer, de mieux, après ça, diversifier la plateforme. Dans le sens qu'ils pouvaient... Il y avait plus de liberté au point de vue de la production du jeu là-dessus, en programmant. OK. Que sur la Xbox et la PS3, parce que c'est comme des plateformes fermées. OK. Fait qu'il y a plus de liberté sur la Wii U, donc ils peuvent utiliser la machine. C'est que Nintendo, contrairement à avant, ouais, où leur plateforme était extrêmement fermée, maintenant la plateforme est ouverte et ils fournissent encore plus d'aide et d'outils aux producteurs. OK. Dans ce sens-là, pour dire que la console est puissante, c'est qu'elle est ouverte et qu'elle facilite les ports des jeux, mettons. OK. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Malheureusement, je n'aurai pas ma copie au mois de novembre. Je pense que je ne serais même pas capable d'en avoir une. Moi, de toute façon, je vais attendre un petit bout pour le temps que je change ma télé. Oui, chez mon ami, encore. Non, pas vraiment, Ben. Je veux dire, regarde, une TV, c'est une TV. Ça te sert. Si ce que tu as à te faire, là, c'est correct, là. Sérieusement, là, moi, là, je suis plus souvent sur mon ordinateur que je suis sur ma télé. Veux-tu que je t'en chip une petite 19 pouces, là, en LED? Non, ça va aller. J'ai eu une 7 qui traîne, là. Tout le monde, c'est ça, tu vas me donner une 19 pouces qui traîne chez vous? Ben oui, une 19 pouces là, en LED, là. pas LED, en LED, écran LED. Oui, oui. On s'en reparle après le podcast. Mais ceci étant dit, en passant, Ben, j'ai un de mes amis qui lui va acheter la Wii U le jour de sa sortie. Ok. Et je risque de passer la journée avec ce gars-là pour deux raisons. Oui, tester la Wii U, puis deux, parce qu'il m'avait dit qu'on la testera ensemble, mais c'est parce que, si tu te rappelles, dans mon top 10 de 2012, ben, en disant, c'était justement la Wii U. Oui. Fait que c'est sûr que ça sort le 18 novembre, mais c'est sûr que le 19 novembre, il y a une vidéo de moi qui va vous parler de la Wii U. Non, ben c'est bon à savoir. Ben, à ce moment-là, tu pourras rire de moi qui ne l'a pas encore. Non. Moi, je vais attendre ton commentaire en test parce que moi, c'est pas dans mes projets du tout. C'est quoi? La Wii U, c'est pas dans mes projets du tout, donc je vais attendre ton commentaire. Mm-hmm. Good. Mm. Merci, messieurs. Sinon, on va parler de Far Cry 3. Far Cry, excusez-moi. Far Cry 3. Qui dit. Il y a eu un commentaire de la part de Henri Guy, qui est le. Henri Guy, oui, pauvre gars. Qui travaille chez Ubisoft, puis qui dit que, selon lui, il n'y aura pas de problème entre Far Cry 3 et Black Ops 2. Parce que les deux jeux sortent à peu près en même temps. Puis il dit que Far Cry a toujours été un peu à part. Les gens vont donc jouer à Call of Duty, puis après ça, ils vont chercher des expériences différentes. Fait qu'il pense que Far Cry va quand même bien compétitionner face à Black Ops 2. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est un fan de Far Cry. J'aime le premier, j'aime le 2. Pour ce qui est du 3, ce qui va bien compétitionner, ça m'étonnerait. Black Ops, c'est tellement une grosse affaire que... Tu sais, t'as tellement un public qui est visé par la série Far Cry, par Black Ops que ça va être difficile de les retirer et les emmener vers une autre franchise, selon moi. Sinon, en passant, on va embarquer... Sony défend le zonage du PlayStation Store. Je sais pas si vous êtes habitué... si vous connaissez un petit peu les règles de zonage... Plus ou moins, parce que je pense que c'est justement... Sony a fait exprès pour rendre ça après, justement, pour pas qu'on s'obstine, mais c'est inévitable que quelqu'un passe le mot. Vous savez qu'il y a des façons très faciles d'acheter, finalement, sur le magasin du PlayStation japonais ou européen sans problème. Oui. Vous désirez... Oui. Si vous désirez, il y a des vidéos sur YouTube qui vous montrent comment monter un compte. Ça marche pour le PSP aussi? Je sais pas pour PSP. Ben, s'il y a un compte PSN qui est fait japonais, j'imagine que ça marche aussi. Ouais. Parce que c'est le même principe. Ouais. Fait que, selon moi, oui, ça pourrait sur la PSP. Ça serait quelque chose à essayer. Faut que j'essaye ça. Mais PlayStation, il essaie de défendre ça parce qu'ils ont eu beaucoup de critiques, surtout en Europe, parce que Counter-Strike Global Offensive est sorti comme 2 mois plus tard en Europe. Puis, il reconnaît qu'ils veulent vraiment avoir qu'il y a une possibilité d'avoir 3 différentes idées PSN sur votre console. Mais que, supposément, c'est pour éviter des problèmes de connexion, des problèmes d'affluence dans les jeux en ligne. Puis, ben oui, c'est ça. Ben oui. ben oui, voir que... Voir que ça peut poser problème. Moi, je trouve ça con parce que des fois, il y a des jeux qui sont juste disponibles sur la. Qui sont traduits intégralement en anglais, qu'on peut pas avoir dans le PSN, puis qui sont juste disponibles dans la version Japon. C'est vraiment con. Ben, c'est parce que, en fond, que Sixteen sont quasiment après nous dire et dire à son public, c'est que leur système de réseau, il est poche, ou qu'eux-mêmes n'ont pas confiance en leur propre système de réseau. Ouf. Selon. Ils sont bizarres, hein. Je t'avouerais qu'ils sont comme ben, dans... Ben, c'est ça, là. C'est... Hein, quoi? J'ai tellement l'impression qu'ils sont dans leur propre bulle, des fois, là, pis qu'ils s'ouvrent pas, là. Sony? Sony? On parle de Sony, oui. Ah oui. C'est comme Nintendo, mais différemment, effectivement. Ils sont tous dans leur bulle, les trois, je pense. Oui. Effectivement. On y allait avec une dernière nouvelle de mon côté. Si jamais vous en avez d'autres, vous allez pouvoir en discuter. Je vais embarquer sur un de mes jeux préférés, Skyrim. Le monde sait que j'adore ce jeu-là. Il y a des indices qui ont été trouvés par certaines personnes qui laisseraient entendre qu'il y aurait une nouvelle extension de Skyrim qui s'appellerait Dragonborn. Ah. Ça se passerait sur une île, l'île de Stormhaven. Puis ce qu'il y aurait de plus dans ce jeu-là, dans cette expansion-là, finalement, c'est qu'il serait possible de chevaucher des dragons, puis même de pouvoir lancer des sorts en vol. Ce qui serait fucking awesome. Mmh. Moi, j'adorerais ça. S'ils seraient capables de trouver un bon jeu où on peut chevaucher un dragon, je serais vraiment content. C'est intéressant. Moi, j'adore Skyrim. J'attends avec impatience Elder Scrolls Online. Selon moi, ça va être un excellent jeu. Mon Dieu, c'est quoi ce bruit-là? C'est sécheuse. OK. Tu pensais que c'était un rasoir? Non, mais c'est la sécheuse. Même là, on a couru pour l'arrêter. OK. Fait que, est-ce que vous avez des nouvelles aussi de votre... Ben, moi, j'en ai une. Oui, vas-y. Vous savez, mon vidéo sur le Comic-Con 2012. Ouais. J'avais assisté à la conférence de presse de... Ben, pas conférence de presse, mais en tout cas, la conférence de Assassin's Creed. Mm-hmm. Et j'avais pris sur le fait, comme exclusif, la question par rapport à un film d'Assassin's Creed. Oui. Et bien, dans les nouvelles, ils ont annoncé qu'effectivement, il y aura un film d'Assassin's Creed. Et nous, on savait depuis un bail, de toute façon, sur certains points. Surtout que Michael Fassbender serait l'acteur principal. Oui. Il faut que c'est Magneto. Allô? Oui. Allô? T'es Michael Fassbender, le dernier Magneto, le jeune Magneto. C'est ce que je dis. C'est un bon choix. Mais ça a l'air qu'ils vont reprendre le... De ce que je lis dans les nouvelles, c'est qu'ils allaient vraiment reprendre l'histoire de Altaïr, par exemple. Oui, mais ça sera pas exactement l'histoire comme dans le jeu. Parce que d'après, en tout cas, s'ils tiennent parole, Ubisoft Motion Picture, puis ceux qui écrivent Assassin's Creed vont faire une histoire entièrement différente. Oh! Oh! On va croiser les doigts, j'ai très hâte de voir ça. Moi, j'adore la série, je suis en train de finir le deuxième Assassin's Creed. Avant d'embarquer dans les extensions, oui, je suis en retard, je l'avoue. Ben toi, écoute, ça peut te remonter le moral, Ben. Moi, j'ai aucun des Assassin's Creed chez nous. J'ai même pas joué à un Assassin's Creed chez nous. Alors là-dessus, j'aimerais profiter de ce temps pour dire « Shadix, pardonne-moi! » Shadix, faut que tu écrives à notre ami Antithèse pour dire ton opinion. Ben, Shadix va être content de moi, je les ai toutes finies. Oui, sûrement. Toi, c'est vrai, est-ce que t'as déjà joué à ça? Ben, j'ai joué à tous les Assassin's Creed à part le tout premier. Je l'ai pourtant avec sur PS3, il est dans le CD, mais j'ai jamais osé l'essayer parce que la plupart des gens trouvaient que c'était pas très bon. Est-ce quelqu'un qui a essayé au jeu DS du premier? Oui. C'était-tu bon? C'était bon? Non, c'est pas bon. Ah, merci. Non, c'est pas du tout pareil comme les. Y a aucun. C'est pas du tout en free world, c'est quasiment un jeu de plateforme. Ouf. Oui, j'ai essayé le premier sur Android. Là. Et? Puis c'est de la merde. J'ai pas essayé non plus. En d'autres termes, Shantae 2 Risky's Revenge est bien meilleur. Ben oui. Oui, tu nous en parles souvent. Il faut que tu nous fasses une critique avant de venir. Là. Éventuellement, oui. Celle-là, rétro, je te la laisse parce que moi, je suis encore bien plongé dedans puis je m'amuse comme un petit fou. Excellent. J'ai oublié une nouvelle par rapport au jeu, la série Walking Dead. Oui. Ooh. Il va y avoir une édition du jeu qui va sortir au cinquième épisode, finalement, une édition en CD qui va coûter 30$. Donc, si vous ne désirez pas le télécharger, mais de l'avoir une copie physique, vous allez pouvoir l'acheter sur PSN ou sur Xbox 360. Mais il y a une version collector qui sort également, qui va être exclusive chez GameStop. Puis ça va venir avec un Walking Dead Compendium Collection. Oui, qui vient avec les 48 premiers numéros de la série de la bande dessinée. En digital? Non, en livre. Ouais. Pardon? Pour 1000 pièces, tu vas avoir 1000 pages de Walking Dead en papier. Wow! Et ça va coûter 69,99. Ben quand même, ça vaut... En temps normal, je parlerais là-dessus, mais 1000 pages de Walking Dead, je peux te dire, dans un magasin de comics, ça coûterait plus que 70$. Hein? Oui. Mais il y a la plupart des gros que tombent de même. Oui, c'est proche de 40$, là, 40-50$. Chaque, ouais. Fait que, non, si vous aimez la série Walking Dead, je vous conseille fortement de lire la série, mais de lire la bande dessinée. Moi, j'ai les traductions françaises qui sont ressorties récemment. Puis je capote. J'adore ça. Puis pour ce prix-là, là, 70$ pour le jeu Walking Dead, qui est des excellentes critiques partout, ainsi qu'une grosse BD, ça vaut vraiment la peine. Oui. Fait que, allez commander ça, ça vaut. Vous allez peut-être adorer ça. Mais c'est plate, par exemple, parce que le collecteur, il offre juste ça. J'aurais pensé qu'il aurait peut-être donné une figurine ou un book de artwork ou quelque chose de même. Ça aurait été... Juste ça, moi je trouve déjà ça pas pire pour un jeu qui était à downloader. Mm-hmm. Puis en plus, petite histoire, à chaque fois qu'un épisode sort, on se load puis on va chez un ami puis on le fait tout à la gang. Là, puis c'est vraiment le fun comme ça. Ah oui? Ouais. Ton commentaire là-dessus, toi, c'est comment est-ce que tu penses du jeu? Ah, c'est j'ai joué les 4 derniers épisodes, j'attends le 5 impatiemment. Oh. Il y a des affaires qui sont similaires à la série télé. Ceux qui l'ont vu, il y a des personnages qui sont là, mais c'est vraiment une histoire très différente sinon. Puis c'est un jeu qu'on décide des choix du personnage finalement. Okay. Et l'histoire est très bonne, on accroche et on s'attache au personnage en même temps aussi, donc je le recommande beaucoup. Est-ce que tu l'aimes plus que la série? Non, jamais de la vie. Là. La série, c'est la série. Là. Mais, okay. Mais c'est le fun pareil. Ça représente bien l'univers. Là. Ok. Sinon, à part ça, il n'y avait pas d'autres nouvelles. Est-ce que vous en avez d'autres, vous autres, les gars? Moi, j'en avais peut-être une. Okay. Peut-être aussi, alors, moi, après. Ok. Je te laisse y aller, antithèse. À moins que SCE veuille qu'on joue à Roche, Papier, Ciseaux pour savoir qui va aller en premier. Ça va aller. Je vais lancer un dé là. Tu vas tricher là. Non, moi y aller. Ok, vas-y. Si vous avez précommandé le jeu, en fait, excusez-moi, vous avez 5 jeux que vous pouvez précommander au 3DS, dont le nouveau Professeur Layton et le Map des Miracles, ou plus tard, soit le 11 novembre. Ben, dû pour le 11 novembre, pardon, le nouveau Paper Mario. Si vous commandez 5 jeux, dont les deux que je viens de nommer, vous avez gratuitement le jeu original de Donkey Kong. Je pense qu'on avait déjà parlé au dernier podcast. Je pensais que c'était pour le téléchargement. Si ouais, c'est ça, c'était pour le téléchargement. Mais d'autres ils disent que c'est la version qui n'a jamais été mise sur le marché. Ici en Amérique du Nord. Oui. C'est ça. Je pense que tu as un ou deux tableaux qui sont nouveaux qu'on n'a pas jamais eu. Ah, c'est Pie Factory. Ouais. D'accord. Qui est dans l'arcade. C'est ça. Fait que. Non, c'est ça, mais c'est seulement téléchargement, c'est PL. Ça, je savais. Fait que si toi, c'est ta nouvelle, ce serait quoi? Petite nouvelle, Capcom avait annoncé un Street Fighter Cross Tekken 2013. Ils l'ont annoncé très récemment. Ok. À date, ce qu'ils ont annoncé pour le jeu, par exemple, c'était pas très convaincant. Mais c'était plus corriger quelques petits bugs techniques. Aucune annonce sur de nouveaux personnages encore. Mais si c'est juste des corrections au niveau technique, c'est pas très intéressant. Non, ça vaudrait peut-être pas la peine d'investir un autre montant pour acheter ce jeu-là, finalement. Surtout, j'ai déjà pris les bonhommes en DLC. Si c'est juste les mêmes bonhommes, ça vaut pas la peine. Puis, non. C'est un jeu quand même qui a eu beaucoup de bugs. Là, je voulais faire une critique là-dessus, mais c'est un jeu que, tu sais, au début, il y a eu beaucoup de bugs. Ils ont corrigé certains bugs pour en remplacer par d'autres, qui avaient le fameux bug de Rolando. Quand il touchait un projectile avec le sien, le jeu il crashait totalement, puis il fallait fermer la Xbox ou la PS3. Wow! Fait que... Ouais! C'est ce qu'on appelle du beta testing! Ce qu'ils ont pas bien checké. Mais semble que tu le payes cher, ton beta testing rendu là. Pardon? Il me semble que tu le payes cher, ton bêta testing dans au moins, c'est une mise à jour gratuite, mais c'est un peu plate. Niveau compétitif, ils veulent plus utiliser ce jeu-là du tout parce que, premièrement, le timer, il est dégueulasse, il va trop vite. Okay. Et les matchs finissent trop vite, puis souvent, il y en a qui font des tactiques avec le timer, ce qui est assez dégueulasse. Là. Cheap. Okay. C'est cheap. Ah non, moi je connais, moi je vais souvent à l'Outaku Lounge, excusez-moi, je vais souvent à l'Outaku Lounge que mon ami Alex possède sur Saint-Denis. Puis il joue avec ce jeu-là depuis quelques semaines, puis il m'avait même dit avant la sortie du jeu, je prévois comme de pas travailler quasiment pendant une semaine complète, ma femme va travailler, puis moi je vais aller jouer en arrière. Je suis passé dans la semaine. Il était au comptoir. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé travailler? Il a dit, ouais, mais il y avait d'autres choses à faire et j'avais pas le choix. J'ai dit, avoue les dons, c'est Tekken que t'as pas aimé. J'ai dit, ouais, un petit peu. Fait que, non, c'est. Moi, je suis déçu pour lui parce que t'es un grand fan de la série Tekken, puis je le vois comme vraiment déçu de pas pouvoir adorer la série, là. Street Fighter X Tekken, là. Fait que je suis comme vraiment déçu pour lui, là. Mais c'est pas, c'est un bon jeu, mais c'est pas adapté au niveau compétitif et malheureusement, en plus le système des gems, au niveau compétitif, ils veulent enlever ça, mais Capcom prévoit pas l'enlever parce que c'est supposément à la base de ce jeu-là, dans le niveau combat, mais moi je les utilise pas tant que ça. L'autre version, Tekken X Street Fighter, est-ce qu'on en a entendu parler dernièrement? Il n'y a pas eu beaucoup d'informations, mais c'est sûr il prévoit le faire, mais il n'y a aucun gameplay, aucun footage qui a été montré encore. Par ça serait peut-être plus intéressant. S'ils utilisent le moteur de Tekken à la place de celui de Street Fighter, là. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas essayer. Peut-être à la place d'acheter la version 2013 de Street Fighter Cross Tekken, essayer le prochain Tekken Cross Street Fighter. On ne sait jamais. Juste, je voulais vous parler rapidement d'un jeu que vous, les gars, je m'attends pas à ce que vous ayez joué à ça. Vraiment pas. Je voulais vous parler rapidement de Just Dance 4. Just Dance 4. Just Dance 4. Oui. Je l'ai acheté dans la première semaine qui est sortie. Pour un party, finalement. C'était le party de ma meilleure chum. Mais sérieusement, moi, j'ai déjà joué au 2 puis au 3. Puis avec le 4, je m'attendais à rien. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de fun. Je voulais parler rapidement. Ce que j'ai aimé, bon, les nouvelles choix de chansons sont vraiment bons. On a des tunes de Katy Perry, on a des tunes de. Excusez-moi, Ricky Martin, on a des tunes de. Hein, de quoi? Elvis Presley, merci Marie-Lou. Oh, il y a vraiment des tunes Thank très you very variées. much. Mais c'est les modes que j'ai vraiment aimé dans ce jeu-là. Parce qu'il y a un mode fighting. M'explique. Vous jouez une personne contre une autre, ou deux personnes contre une autre, puis tout ça. Puis c'est avec une barre de vie pareil comme dans les jeux de combat, mais c'est avec les moves de danse. Donc, la personne qui danse le mieux va donner un coup à l'autre personne. Puis c'est de même jusqu'à temps que l'autre personne meure. C'est vraiment drôle, et ça force vraiment à faire des meilleurs mouvements. Je dirais que pour ce qui est du motion sensing, ça n'a pas vraiment changé sur la Wii U. J'ai vu ma chum faire des moves des fois bizarres, puis elle était capable de faire des mieux, pas de danse que moi. Mais c'est un très bon jeu, sérieusement. C'est un des meilleurs de Just Dance que j'ai joué récemment. Une critique va probablement s'en venir, soit de moi ou Marilyn. Je pense que c'est plus Marilyn qui voulait embarquer dans cette critique-là. Donc, vérifiez le site Accro des jeux prochainement. Il va peut-être avoir une critique de ce jeu-là. Sinon, à part ça, je pense que c'est à peu près tout pour ce qui est des nouvelles. Pas mal. Alors, on va partir en chanson. On s'en va écouter un clip que j'ai écouté sur YouTube à tour de bras, puis j'ai tellement aimé ça que j'ai acheté la chanson. C'est une parodie de la chanson Turn Me On de David Guetta. Ça s'appelle Turn Me On par The Console Girl. Et je vous dis, le clip est très très sexy. C'est avec Dodger. Avec Dodger. J'adore cette fille-là, sérieusement. Elle est nice. Oui, j'aime son vlog. Oui, je la suis à cette heure en vlog, puis elle est vraiment nice. C'est une fille branchée, elle connaît le monde du jeu vidéo, c'est vraiment nice, puis oh, fucking qu'elle est belle. C'est une vraie geek. C'est une vraie, de vraie geek. Ouais. Nice. Alors, on s'en va, écouter Turn Me On, et on revient après la pause pour discuter de jeux d'horreur. Ouh. You got the kind of skills that always keep me going. shine my lights, come on and turn me on. Make this place alive, come on and turn me on. Turn me on, turn me on, turn me on, turn me on. Touch me, give me life, come on and turn me on. Push me, shine my lights, come on and turn me on. Make this place alive, come on and turn me on. Turn me on, turn me on, turn me on, turn me on. You win every single time. Your score just keeps on getting higher. Salut, c'est Éric Lafontaine et Maxime Paiement du Dernier des podcasts, le John McClane de la balado-diffusion au Québec. Et vous écoutez les accros des jeux avec Big Ben, Antithèse, Retro Gamer PQ et Marie-Lune. Les accros des jeux, le top 1 podcast avec un squelette pis une manette de NES dans le logo. On est de retour! Alors, pour célébrer l'Halloween ce soir, les accros, nous allons commencer à vous jaser de jeux d'horreur. Quels sont les jeux d'horreur que nous avons aimés et les jeux d'horreur que nous avons détestés? Toujours moins pire que les Catwoman, en tout cas. Je suis tellement habitué à Catwoman. Catwoman, bonjour. Bonjour. Bonjour Catwoman. Je me suis ennuyé de toi. Ici Poison Ivy. Poison Ivy. Il reste juste à trouver un personnage là. Ok. Hey en Mr. J! C'est stéréo. Oh my god. Vous allez rire, les accros, ça va. C'est Harley Quinn en passant pour ceux qui ne savaient pas. Mm-hmm. Je décollais avant que tu le dises. Fait que non, on va jaser ce soir de. Pas de Harley Quinn ni de tout ce qui est Batman, puisqu'on l'a déjà jasé. Mais on va discuter de jeux d'horreur. Et on va commencer les accros bien avant Nintendo. On va jaser de consoles qui n'étaient pas vraiment des consoles, c'était des ordinateurs. Alors je vais commencer avec l'Apple II. Qui avait un jeu de texte qui s'appelle Dracula. C'était un jeu où il fallait écrire Go North, Go East, Go West. Oh, je pense que James Rowe en a parlé de ça. Oui, James en a déjà parlé. Ah, oh, oh, oui, puis il avait pas marqué mon nez, il y a fuck, I don't know how to fuck. Ouais. J'ai déjà joué à ce jeu-là. Il y a une couple d'années, je te dirais une dizaine d'années, qui parce que j'étais m'emmené dans une passe où je me cherchais côté jeu gaming, j'étais tanné de jouer à des nouveaux jeux, j'étais tanné de jouer à des vieux jeux. Fait que j'allais dans les plus vieux possibles, puis je m'étais mis à jouer à des genres de jeux de même. Et my god, que j'en ai passé du temps là-dessus. C'était. C'est parce que, surtout, la seule façon quasiment de jouer avec, c'est que ça tentait pas de passer 10 heures à jouer un jeu, fallait quasiment que tu sortes un walkthrough pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses. Parce que des fois, il y a des choses que la logique était pas présente. Tu sais, par exemple, fallait que je trouve une bouteille d'eau bénite. Fallait que j'aille à l'église. J'allais à l'église, il y avait pas d'eau. Fait que je trouve de l'eau. Où est l'eau? Où savez-vous où est-ce qu'il était l'eau? Dans la rivière. Il était dans une rivière. Mais fallait que j'aille quasiment au début du jeu. Je sais pas si tu te rends compte que je viens de dire une niaiserie au hasard, là. Oui. C'est bon. Et après ça, il fallait que je la fasse bénir. Ouvre la porte. À l'église? Non, il était ailleurs. Je me rappelle plus il était où, là. Mais il fallait trouver un prêtre qui était comme à l'autre bout de la map. Ah, c'était le bordel. C'était. Mais c'est du texte, tu vois pas. Il y avait des images un peu ou c'était non, juste que. Il y a juste du texte. Oh, uniquement du texte? Oui. Oh. C'était horrible. Sinon, Atari 2600, il y a quelques jeux que j'ai jamais joué. James Rolfe a parlé de Michael Myers, Halloween. Ouais. Tellement aimé pour ce jeu-là. Ça va être très très bon. Sinon, il y a d'autres jeux d'horreur, des jeux de maisons hantées, des maisons de. Des jeux où tu mets un tueur en série, où tu te fais poursuivre vers un tueur en série. Il y en a plein, plein, plein. Mais on va commencer avec la Nintendo. Et je vais y aller voir avec notre spécialiste, Reviewer. Oui. Est-ce que tu connais des jeux d'horreur sur la Nintendo, mis à part Castlevania? Parce que oui, on a jasé Castlevania la semaine passée. Mais est-ce que tu en connais d'autres? Vite de même, j'en ai deux, là. Si on compte pas, tu sais, Halloween classique, tout ça, là. Nightmare on Elm Street, là. Il y a Chiller. Je sais pas si vous avez déjà entendu de ce jeu-là. Non. Chiller? Chiller, oui. Juste de nom. Je vous annonce, Best in Lesson, une cassette, c'est les jeux dans le genre non licencié, là, puis la marque, c'est quoi déjà, c'est les cassettes noires avec le bouton Pressure, me semble que c'était ceux-là. Ah, mais pas des Tangents. American Games, je crois. Oui. American. American Dream? Non. Attends, je sais que le joueur du gagnant a jasé récemment. Je vais essayer de le retrouver. En tout cas, je sais pas si tu peux jaser un peu. Color Dream. Non, pas le Color Dream. C'était American quelque chose. Okay. C'est quoi le jeu? Dans le fond, c'est un jeu avec le pistolet, si je me souviens bien. Le zapper. Okay. Puis tu tirais des affaires à l'écran. Puis en même temps, tu avais comme... Il y avait un moment de supposée nudité... avec une fille qui était attachée, tu tirais dessus, son linge y débarquait, quelque chose comme ça. Ah, ça dit quelque chose. Jamais joué. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Non, ben, non, c'est non. Assez underground, là, mais... Pis c'est ton deuxième jeu? La famille Adams. Ah oui, Fester's Quest. Non, pas Fester's Quest, la vraie famille Adams. Est-ce que c'est celle licenciée par le film? Ouais, celui du film. Là. Ok, j'ai jamais joué. Ben, il je pas l'ai. Pas assez horreur que ça. C'est Famille Adam, c'est. Bon, horreur. C'est plus une comédie, mais. C'est ça, tu sais. Fait que. Ben, c'est quand même dans le thème d'Halloween. Là. Mais c'est dans le thème Halloween, là. C'est sûr ça. Que. Puis. On contrôlait Gomez. C'est comme la version Sega Genesis. Ok. Je pense que Marilyn, elle avait joué. Elle m'en a déjà parlé. Je sais tu pas. Tu vérifierais avec elle, je suis pas mal sûr que oui. Je vais vérifier avec elle, elle va pas me le dire. Je vais y jaser ça tantôt. Dans le fond, c'est la même chose, mais version 8 bits, puis très mauvais. Là. Okay. Mauvais contrôle. C'était pas mal ça. Sinon, à part ça, je vais aller voir Antithèse, puis Rétro, vous autres, est-ce que vous vous souvenez de jeux d'horreur qui étaient sur la Nintendo? Plein. plein quand même. Comment peut-on oublier Friday the 13th? Ouf, ouais. Lui, c'était plus une horreur parce qu'il était horrible en tant que jeu. Était... En soi, il était Il était horrible. Il était aucunement intuitif. Il était inutilement dur. Il était juste pas le fun. Il était dur à comprendre. Il était dur à suivre. Il était juste dur à jouer parce que l'implémentation du gameplay était juste fait par pure paresse. OK. En revanche, je vous avoue que j'ai un petit fait pour le jeu Nightmare on Elm Street. Ah ouais? Appelez-moi Nono, appelez-moi ce que vous voulez, mais Nightmare on Elm Street, c'est déjà plus jouable que Friday the 13. En fait, c'est un jeu qui se joue quand même relativement bien. Le seul défaut que je pourrais reprocher, entre autres, c'est son gameplay au niveau des sauts et également le fait que c'est dur de savoir qu'est-ce qui te reste comme énergie, puis évaluer tes dommages que tu peux prendre ou whatever, c'est ce qui est quand même relativement important, c'est vrai. Tu n'as pas ça dans Nightmare on Elm Street. Ce que j'ai également aimé, c'est que, du moins pour moi, c'était un des premiers jeux qu'on pouvait jouer à 4. Fait que t'as une Estelle. Comment on l'appelait la Satellite. Oui. NES Satellite, que je n'avais pas moi-même, mais il faut dire que j'avais pas non plus la. Comment ça s'appelle? Nightmare on Elm Street. J'avais pas le jeu Nightmare on Elm Street moi-même, mais je peux vous dire que. Moi, puis j'ai quand même pu jouer à deux avec mes cousines parce qu'on était dans ma famille des gros fans de Nightmare on Elm Street. Ok. Et ça, c'est sans compter le fait que moi-même, je suis plus un fan de Friday the 13 si tu fais la comparaison Jason et Freddy. Je te dirais, je suis plus Friday the 13. Ouais. Moi aussi, je peux faire le 13 en réalité. Mm-hmm. Je crois plus que Jason est un monstre que Freddy. Oh oui. Puis, un autre classique, en fait, rétro, t'as droit de m'arrêter si tu veux m'arrêter, absolument. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Est-ce que tu peux m'arrêter? Non, c'est correct. Pas-en, on va t'écouter. Faut dire que James il a quand même fait deux critiques sur ce jeu-là. Ouais, c'est déjà. Pour en discuter en long et en large. C'est ça. C'est, fait que j'ai plus grand-chose à rajouter, mais effectivement, tu veux un jeu qui se veut être entre guillemets horreur, mais qui est tout sauf horreur, parce que c'est tellement comme... C'est impossible de prendre ça au sérieux. C'est impossible de croire que c'est même un produit fini. Ben, t'as Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mm-hmm. Toi, Rétro, est-ce que t'as d'autres jeux également à discuter? Je vais en mentionner un sur Nintendo. C'est bien ça. Uninvited. Uninvited. Ouais, je l'ai ici dans les mains. C'est un genre de comment je pourrais dire, point and click qui joue un peu comme une première personne. OK. Puis, l'histoire, ça commence dans un char, puis finalement, tu te ramasses dans une maison hantée, puis là, tu rencontres des fantômes, puis des démons, puis les histoires d'horreur, puis de l'atmosphère, ça, c'est décrit dans des lettres que tu trouves, puis des... Quel jeu? Uninvited. Dortan oui. Est-ce que Dortan en a déjà parlé? Je m'en rappelle. Oui, il en a déjà parlé, mais très brièvement. OK. Je pense pas que ça ait fait sa liste des 100 meilleurs jeux encore, en fait. Ben, il doit être en dehors des 100 meilleurs jeux d'abord. C'est pas un bon jeu, là, mais... Moi, c'est un des jeux qui m'avait marqué quand j'étais jeune, là, ça, c'est sûr. Il y a 2-3 semaines, c'est les jumeaux techno qui en ont parlé, c'est vrai. Pour faire une comparaison de les jeux vidéo d'aujourd'hui aux jeux vidéo d'hier, et eux disaient que The Uninvited, c'était le jeu qui leur foutait la chienne, c'est vrai. Yep. Parce que c'était quand même efficace au niveau... c'est ambigu, c'est pas qu'est-ce qui peut arriver selon l'acte que tu peux faire, puis paf, tu peux être mort, ou paf, tu peux avoir une tête de mort. Puis surtout, l'atmosphère est décrite dans ce que tu lis à l'écran, pas nécessairement dans le visuel. C'est ça. OK. Un autre jeu que je pourrais peut-être amener une discussion, c'est Sweet Home, parce que tantôt parlait de Resident Evil. Là-dessus, Rétro, back-moi s'il te plaît. Le jeu Sweet Home, qui n'est jamais sorti ici en Amérique du Nord, est le prédécesseur de Resident Evil. Le prédécesseur de Resident Evil, c'est Alone in the Dark. Plus ou moins, mais... Alone in the Dark, ouais. C'est le même principe. Vous pensez que c'est comme Alone in the Dark, vous autres? Ouais. Ben oui, Alone in the Dark, ouais. C'est ce qui a inspiré Resident Evil. Ouais, c'est vraiment le premier survival horror, là. En 3D, là. Huh. J'avais joué sur... oh my god, Panasonic 3DO. Ah ouais? Moi, ouais. J'avais joué la première version PC sur des disques 3.5. J'avais joué sur 3DO. Ouais, c'est boss, c'était mauvais. Ouais, moi, j'ai trouvé ça bon. Attends, on parle du même jeu. Alone in the Dark. Moi, tantôt, je parle de Sweet Home. Ok, non. Tu peux continuer sur Sweet Home. C'était Honest Ado qui était un des premiers jeux que Shinji Mikami a créé. Ok. Ok. Ben, c'est pas sorti ici, mais ouais, c'était dans le genre, t'es dans une grande maison, puis il y avait des éléments de RPG, je crois, puis c'était beaucoup focusé sur l'histoire en même temps. Ok. Puis sinon, le jeu, c'était comme un platformer, c'était un... RPG. RPG. Un genre de RPG, oui. Ouais. Oh. Carrément. Oh. Faudrait que j'essaye ça à un moment donné, c'est sûrement en ROM, j'imagine. C'est une ROM traduite? Tu peux trouver en ROM traduite, oui. Ok. Il n'y a pas de copie officielle physique, là. Ok. Malheureusement. 189, je pense, au Japon. Une affaire de même. Ok. Ce coin-là. On va changer de console. On va s'en aller vers l'autre génération, celle de Genesis. On va parler de Genesis, Super Nintendo, ainsi que 3DO, ces vieilles consoles-là avant le 32. Ben, on va commencer avec la Genesis, parler d'une des séries préférées à PL, Splatterhouse. Ah, Splatterhouse. Mais avant que j'élabore, est-ce que vous saviez qu'il y a... En fait, non, pas vous saviez. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Est-ce que l'un de vous peut me confirmer oui. si c'est vrai qu'il y a un Splatterhouse disponible sur Nintendo qui était oui. sorti au Japon? Oui. Donc, j'hallucine pas, là. Non, il y a vraiment Splatterhouse qui existe. J'ai la ROM sur mon ordinateur. Je voulais enfin une critique à m'emmener, mais j'ai comme manqué de temps. Mais le jeu était plus parodique, je te dirais. C'était ouais, hein? Oui, c'était plus enfantin, des gros sprites de couleurs. Tu voyais ton premier boss, là, c'était un zombie qui danse Michael Jackson. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est Splatterhouse Wump. Pafiki, excusez-moi, je vais aller chercher ça rapidement. Mais déjà, Splatterhouse Genesis, c'est pas déjà une grosse parodie, parce que moi, c'est l'impression que j'ai quand je joue. Ben, c'est plus ou moins une parodie, je veux dire. Le premier, ça prend beaucoup plus au sérieux. C'est dans le troisième que... c'est le qui est également le plus dur, mais en même temps plus interactif, qui le punch de la fin, c'est « Ah, c'est un film ». T'as fait partie d'un film durant tout le jeu. Fait que t'es genre là. Wait, what? C'est ça. La version Famicom, c'est Splatterhouse Wampaku Graffiti. C'est vraiment. Tu te promènes tout le long du jeu avec un gros couteau bougé, là. Puis là, tu tues tout ce qui est en avant de toi. Puis à un moment donné, tu peux ramasser des armes. Tu ramasses des burgers pour remplir ta vie. C'est un très bon. Je vous conseille en ROM parce qu'il n'est pas disponible en ici, il n'y a aucune façon d'avoir une version. En fait, normal, je pense mais que on peut l'avoir par le jeu Splatterhouse pour parmi les trois jeux que tu peux débarrer sur console, pas console mais sur PS3 ou Xbox 360. Peut-être, mais en tout cas pour ce qui est. T'as vérifié. Officiellement, normalement, il n'y a pas de version qui est jouable ici, de ce que je me rappelle. Non. Je vais regarder rapidement sur Wikipédia, mais il me semble que non. Sinon, à part ça, si tu peux élaborer sur le premier Splatterhouse qui est sorti sur TurboGrafx 16? C'était considéré comme étant le jeu le plus graphiquement gore. Est-ce que vous êtes forcément d'accord avec ça? Là, ici je parle pas de. De l'époque. Mais même si on va en arrière jusqu'à l'Atari 2600, où c'est que on parle toujours de Michael Myers tantôt, où c'est quand même relativement le fun d'être le joueur puis de se faire décapiter par Michael Myers puis voir des pixels de sang jaillir de la tête. Je te dirais que oui, c'est quand même un des plus de l'époque là, c'était un des plus sanglants parce qu'il est sorti avant. Oui, il est sorti avant Mortal Kombat. Ouais. Fait que, à l'époque, écoute, moi je me rappelle surtout du deuxième où en dessous de la Ward, t'avais vraiment une notice disant comme quoi que c'était pas fait pour enfants. Ouais, c'était ouais. Avant même qu'il sortait le. ESBR. ESBR. Fait qu'on s'entend-tu que c'est très très vieux. Ben, c'est ça, au moins, eux ont fait ce que Mortal Kombat n'ont pas fait, pis c'est peut-être pour ça que justement, ils ont pas. ils ont pu éviter de se faire, excusez-moi par le terme, se faire chier par le gouvernement, puis de dire on veut un ASBR. L'histoire de Splatterhouse, c'est qu'en résumé, vous êtes un, entre guillemets, un nerd, pour ne pas dire que vous êtes un nerd, et vous avez une copine que vous et vous avez une copine qui l'apprend de vos yeux, qui est en kidnappée par un docteur savant fou. Votre, le but de votre émission, sauver votre copine. Always about the pussy. Always about the pussy. Comment qu'il acquiert ses pouvoirs, mon prochain PL? Parce que si ça, c'est le bout intéressant du jeu. Ici, on parlait du Mask of Terror. C'est que Rick acquiert le masque de la terreur qui lui promet de donner le pouvoir de confronter toutes les horreurs du vilain docteur dont le nom m'échappe. Mais docteur Henry West, ça se peut-tu? Ça, c'est-tu quoi? Henry West. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est vraiment Dr. West. Ça, c'est dans le nouveau, en tout cas. Ouais, ben je pense que c'est Dr. Way dans tous les jeux. Je pense que c'est la même histoire dans tous les jeux, à part qu'on s'entend que de 1 à 3, c'est un peu la suite, donc c'est une histoire de revanche également là-dedans. Mais en grosso modo, c'est pas mal ça. C'est des monstres qui kidnappent la blonde à Rick. Je pense que c'est Jennifer, son nom. C'est Jennifer. Rick trouve le masque of terror out of nowhere. La version PS3/Xbox 360 est plus cool. OK. Parce que c'est en fait, sans faire trop de spoilers et sans trop rentrer dans les détails, c'est le masque qui vous trouve. Mm-hmm. Parce que le masque est plus dans l'identité vivante ou dans le Splatter ou dans les anciens jeux. Oui, c'est aussi dans ses vents, parce que dans le fond, c'est un masque qui renferme un grand vilain. Il était un peu moins présent, oui, excuse-moi. On va quand même en jaser rapidement. Le 2, c'est à peu près le même jeu. C'est le même jeu. C'est ça, les tableaux sont différents. Sinon, à part ça, c'est à peu près le même jeu. Faut dire, dans ce jeu-là, la particularité, c'est surtout d'avoir des armes. On parle d'un 2x4. 2x4, des machettes. Je me rappelle, je pense que c'est des haches puis des étoiles du matin. Je sais pas pour. Non, pas d'étoiles du matin. C'est pas d'étoiles du matin. Des haches plus. Des tronçonneuses. Je suis plus sûr. Tronçonneuses. Je pense qu'il y a une tronçonneuse aussi que tu peux avoir. Oui, il y a une tronçonneuse dans le 2. Très rare. Très rare. Mais qui est drôle. On se rappelle. C'est qui? Ah oui, c'est dans. Comment ça s'appelle? Screw Attack, qui faisait une joke par rapport à. Qui pouvait utiliser comme. Parce que quand tu te plaçais de côté, tu sais, comme tu passais sur haut, ça faisait ton personnage qui était à dos à toi, puis tu pouvais sauter. Mais sauf que tu avais l'impression qu'il était en train de pisser. Oh mon dieu. Tu pouvais faire sauter ton personnage avec la chainsaw, puis tu avais l'impression que tu étais en train de tuer des bébés morts avec ton pénis. Ok. Sérieusement, là, essayez le 2, essayez ça. Sérieusement, là, vous allez. C'est stupide. Parce que tu vois vraiment ton personnage qui saute, comme s'il était en train de pisser, puis qu'il est en train de tuer du monde. C'est avec la chainsaw. Mais une des marques de commerce, pour venir au jeu de Splatterhouse, de commerce, c'est que malgré tout, pour un jeu de son envergure, c'était un des rares jeux qui offrait des fins multiples. Ouais. Selon ton. Selon la manière que tu as joué le jeu. Parce que le premier était linéaire, le 2 pas tant que ça, mais essentiellement l'était pareil. Le 3 est plus basé sur l'exploration. Oui. T'as même un timer dans le 3, fait que c'est rushant. Le 3 est quand même relativement rushant. Oui, beaucoup. Pour cette raison. Mm-hmm. Sinon, à part ça, pour ce qui est de cette génération-là, il y a d'autres jeux également qui sont sortis. Moi, j'aimerais vous ramener à un temps où il y avait des productions de films d'horreur, mais pas d'horreur, mais des classiques qui étaient revenus. On pense par exemple à Bram Stoker Dracula. Oui, je me souviens. Qui ont sorti un jeu. Moi, j'ai jamais joué. Pour moi, j'ai joué quand j'étais jeune. Tu veux-tu nous donner ton commentaire là-dessus? C'était dur comme jeu, je me souviens. Là, je rushais beaucoup. Puis, fait que je l'avais mis à Easy. Okay. Sauf que quand tu le mettais à Easy, tu n'avais pas la grande fin. Puis, tu pouvais pas aller plus loin dans le jeu qu'un certain boss. C'était les trois femmes. Je sais plus c'était quoi. C'était trois madames. Il y avait chacune une robe différente, il me semble. Fait que tu tues la bonne. Je me souviens plus c'était comment, okay. Mais ça arrêtait là après. Okay. Fait que c'est à peu près là que je me rendais, mais c'était vraiment dur comme jeu. C'était impardonnable quand tu te faisais attaquer, en tout cas. Là. Moi, je vais vous parler d'un autre de ces jeux-là qui est sorti dans ce temps-là. C'était Mary Shelley Frankenstein. Ouais. Où on jouait le monstre de Frankenstein. Hmm. C'était un des deux seuls jeux que j'avais à l'époque pour le Sega Genesis, puis moi, je trouvais ça plat. Sérieusement. Claire. Ah, ça l'était. C'est clair. Je me promenais avec le personnage de Robert De Niro. Excusez-moi, j'ai de la misère à penser que c'était vraiment le monstre de Frankenstein. Et t'avais juste comme arme un bâton. Que, oui, des fois, tu pouvais trouver une flamme pour allumer, ça frappait un petit peu plus fort. Donc, tu pouvais frapper des villageois avec un bâton qui était en feu. Il fermait rapidement, c'est ça qui était plat. Mais au deuxième tableau, j'ai jamais réussi à le dépasser, vous savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fait tout noir. Faut que tu trouves du feu. Là, faut que tu prennes le feu, faut que tu l'amènes à un autre pot. Mais le feu, il s'éteint en 30 secondes. T'avais jamais le temps d'arriver à l'autre spot. Et ça va de là compliqué pour rien, celle-là, là. Oui, c'était vraiment compliqué comme deuxième tableau. Fait qu'il fallait ça me prenait quasiment une demi-heure, 45 minutes pour finir le tableau. Puis, fallait que j'affronte une araignée, puis j'étais pas capable de la battre. Et ça, c'était trop tough. Et quand c'est une demi-heure, là, tu parles de faire essai-erreur, essai-erreur, oui. Essai-erreur. Oui, parce que c'est un labyrinthe. Oui, parce que dès que t'as plus de lumière, tu vois plus rien. Faut que tu retournes à ton premier spot de lumière. C'était mal fait. Horrible. C'était Virgin qui a fait le jeu, puis oh my god, que c'était mal fait. Oh. Ça a été terrible. Rétro, toi, de cette génération-là, quelle sorte de jeu que t'as joué? Zombies Ate My Neighbors. Oh my god. Oh non! Parfait. Un classique. Tu nous en jaser un petit peu? Ben, dans le fond, t'es un gars avec des lunettes 3D. Tu sais, les bleus rouges. Oui, oui, oui. Puis, ben, là, tous tes voisins, ils sont soit dans des piscines ou ils sont là à rien foutre, qui attendent ou je sais pas quoi, là. Puis il faut que tu ramasses des survivants dans le fond pendant qu'il y a des zombies qui attaquent partout la ville. La chose qui me touchait le plus dans ce jeu-là, c'est le co-op. C'était le jeu parfait pour le co-op. Ouais. C'était vraiment bien. T'avais des armes, t'avais beaucoup, beaucoup d'armes différentes, des power-ups. Des fois, il fallait vraiment que tu fasses de ton mieux pour ramasser tout le monde. C'était pas évident. Ouais. Ah, c'était vraiment un bon jeu. Puis des fois, t'avais des affaires qui n'ont pas de sens. Les zombies se promenaient autour des bébés, puis évidemment, ils faisaient rien. Ouais. Mais t'avais des zombies plus puissants à m'emmener. Ouais. Je me rappelle celui qui était capable de défoncer des murs. Lui, je l'aimais pas pantoute. Mais un autre jeu de Super Nintendo qui est plus un petit peu. Ben, c'est un jeu japonais, dans le fond. Ouais. Et c'est Clock Tower. Oui, ah, Clock Tower. J'ai joué à Rome. Puis ça, je pourrais te dire que c'est quasiment le précurseur de Fatal Frame. Oui, quasiment, oui. Parce que c'est plus que Survival Horror, celui-là. Oh, ouais, ça, c'est vraiment du. C'est de la survie, point. Tu peux pas te défendre. Non. C'était vraiment dur. T'avais des énigmes, puis comme on disait aussi tantôt, c'était un jeu où t'avais plusieurs fins. Ah, oui. Puis t'avais, selon comment tu jouais le jeu, si t'allais à certains endroits, mais tu pouvais avoir une fausse fin ou une vraie fin. C'était vraiment gros comme jeu. Puis côté graphique, c'était très beau comme jeu oui. aussi. Pour plaisir, pour le Super Nintendo, absolument. Moi, je vous recommande, si jamais vous avez la chance de retrouver ça, Retro Game Master, le fameux japonais qui adore faire de... à son émission ou ce qu'il joue à des jeux puis il faut qu'il fasse le tour a fait une version américaine de ce jeu-là. A joué au jeu et ont fait une traduction américaine de ce jeu-là. Et si vous tapez sur YouTube, vous pouvez leur trouver cette vidéo-là, mais c'est vraiment bon. C'est une heure de gameplay où vous le regardez en train de jouer puis faire des essais et erreurs puis C'est vraiment bon. Sérieusement, là. Depuis que j'ai vu cette vidéo-là que j'ai joué dedans, j'ai joué à Clock Tower, j'ai vraiment adoré ça. Il y avait la version PlayStation, le Clock Tower 2. Ouais. C'était vraiment un jeu difficile aussi. C'est encore une fois plusieurs fins. Il y avait des fausses fins, des vraies fins. Des fois, il fallait que tu fasses un mouvement pour te défendre contre l'espèce de bonhomme qui te suivait. Puis mon Dieu, avec sa voix qui disait « I want to kill you ». Puis là, il te suivait partout. Là. Avec les ciseaux, là. Ouais. Tu sais, il pitchait genre, je pense que c'était des assiettes. Fallait que tu bloques avec la porte de réfrigérateur. Ouais. Après, fallait que tu l'assommes avec une casserole. C'est quelque chose, ce jeu-là, pareil, mais c'était dur à comprendre pour quelqu'un qui commençait ce jeu-là. Oui, quelqu'un. Oh, j'étais jeune. Quand il est sorti, j'avais 10 ans. Non, j'avais 12, 13 ans. Puis j'avais beaucoup de misère. Mais avoir, faudrait que je le réessaye bientôt, le 2. Mais le 1, je l'ai joué récemment. Puis non, sérieusement, là, c'est un très bon jeu. Là, Il me semble qu'il serait mieux ces jeux-là sur PC. Je sais pas. Leur style point and click. Mais je pense que ce jeu-là, tu pouvais prendre la SNES Mouse. Ah oui? Mmh. Ah oui? Je pense qu'il est compatible avec la SNES Mouse. Ah, ça se pourrait. Mais il faudrait que je réessaye avec ma ROM. Là. Moi, je vais jouer avec mon clavier. Là. Moi, j'ai la cassette ici en japonais. Là. OK. Fait que je vais l'essayer avec la SNES Mouse, puis je vous le dire. OK, cool. Faut dire aussi, à l'époque, il y avait un jeu qui était sorti sur PC, mais également sur Super Nintendo. Qui est un jeu d'horreur, oui, mais c'est vraiment plus action. Et on parle ici de Doom. Doom. Doom. Quelle merde. Le premier Doom, on s'entend, sur Super Nintendo, c'était graphiquement laid. Il était laid aussi sur PC. Oui. Carré. Il avait vraiment des gros pixels partout. Mais faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est un des premiers first-person shooters d'horreur. Un des précurseurs, vraiment. Précurseurs, ouais. Moi, je vous dirais, j'ai jamais eu un saut quand j'ai joué à Doom. Non. Mis à part le 3. Le 3, j'ai eu quelques sauts. Mais c'était vraiment un jeu d'action horreur. Vous rentrez dans le tas avec votre 12 et vous tuez tout ce qui passe. C'était vraiment un des précurseurs. Puis ça a spawné tellement de jeux clone-like, là, des clones ouais, de Doom. Il y en a eu un maudit de ça. Hein? Oh oui, pendant une époque, là, il n'y avait que ça, des jeux d'horreur. Comme Exen, Hérétique, ouais. Rise of Triads. Ouais. Rise of the Triads, c'était vraiment quelque chose. Quake, oui, mais ça c'était vraiment... après, puis c'est fait par ID Software aussi. Ouais. Mais qui est bon. Surtout le premier, c'est le premier que j'ai plus aimé que le 2. À l'époque, en tout cas, c'était le gros must. De même, je pense pas à d'autres jeux sur Super Nintendo. Vous autres, est-ce que vous avez des idées également? Non, on devrait passer à une autre section. Ouais, je pense qu'on devrait s'en aller vers la PlayStation avec, avant tout, il y a un autre jeu qui est quand même précurseur qui est important à connaître. Avant d'embarquer dans la version PlayStation, faut parler d'Alone in the Dark. Ben oui. Qui est la racine du survival horror. Yes, sir. Qu'on connaît aujourd'hui. Oh oui, s'il n'y aurait pas eu Alone in the Dark, ça aurait peut-être pris une tournure très très différente dans les jeux d'horreur. Qui ici l'a joué? Moi, j'ai joué au 3. J'ai joué au 1, 2, 3 et 4. Moi, j'ai joué au 4. Puis, je te donne mon opinion générale? Oui, vas-y. Mais le 3, c'était de la merde. Puis, le 2, oui. C'était moins bon que le premier, mais le 1, moi, je te dis, le 1, il me faisait peur. OK. Quand je jouais à la version PC dans le temps, là. Ouais. Et moi, je peux te dire que j'avais peur quand je jouais à ce jeu-là. Puis, vraiment, c'était très basique hein, comme jeu. Ah oui, le balbutiement du 3D et toute la kit, là. C'était difficile. Il faudrait que quelqu'un me renseigne, peut-être un de vous, là. Parce que je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais joué à un jeu, je pense que c'était dans la série Alone in the Dark. Fait que, sauf comme le Père Noël, puis il y avait toutes sortes d'affaires comme qui voulaient te tuer. Wait, ouais, c'est ça, j'ai what the fuck dans ma... Je sais pas si c'est dans le même genre, en tout cas, mais ça ressemblait beaucoup à Alone in the Dark, mais il y avait le Père Noël que tu devais sauver, qui était pogné dans une cellule de prison, si on veut, puis là, il y avait des genres de lutins qui voulaient te tuer, fait que tu trouves quel objet pour passer à telle place, puis fait que tu te dépêches. Ok, c'est sûr, c'est pas en besoin de rencontre l'enfer, toi? Non. C'est dans le même genre qu'Alone in the Dark, en tout cas. Je te dirais que non, ça ne me dit rien pantoute. Je vous demanderai aux accros, écrivez-nous si vous me connaissez dans les commentaires. Comme ça, on serait peut-être un petit peu plus placé pour savoir un peu où est-ce qu'on en est finalement. C'est sur PC que j'avais joué. Je pense que c'est pas Jack in the Dark, quelque chose du genre. Attends, je pense que c'est ça, Rétro. Je pense parce que c'était. Ouais, c'est, je pense que c'est sorti dans le temps de Alone in the Dark 2. Ça devrait être. Ça se peut, là. C'est vraiment dans le même genre. C'est pas peut-être une parodie dans un sens, mais c'est même pas... à ça. Ouais, checker sur Wiki, m'a sûrement trouvé ça. Ouais. Ok. Entre-temps, c'est ça. Moi, j'ai joué au 4. J'avais trouvé ça très difficile à jouer. Surtout parce que j'étais habitué de jouer avec Resident Evil. Ouais. Où vraiment, t'as quand même des balles popées. Tu pouvais quand même t'aventurer. Quand tu commençais dans le 4, t'avais 6 balles. Ta flashlight, that's it. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Puis t'avais du monstre qui te courait après. Ils sont quasiment invincibles. Ah, ils sont durs. Puis j'étais pas capable de rien faire, là. Tu peux même pas faire des evades. Le système de save était très mal fait parce que tu pouvais sauver à un endroit, mais finalement, c'est selon le checkpoint que le jeu décide pour toi. Oui. Ce qui veut dire... C'était... Vas-y, pardon. Excuse-moi. Non, c'est très difficile. C'est pas un jeu que j'ai vraiment apprécié. Fait que non. Ça a vraiment été une série que j'ai pas accroché, mais faut quand même reconnaître, faut donner à Alone in the Dark la place de premier jeu Survival Horror naturellement en trois dimensions finalement. Là. S'il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu de Resident Evil. La version oui. La version Wii. Ouais, de Alone in the Dark. Ouais, mais il est même cette version-là de Alone in the Dark, peu importe la console, c'est de la merde, là. Ouais, mais c'est juste j'avais joué à la version Wii qui venait avec la soundtrack, là. Puis mon dieu que c'était mauvais, ce jeu-là. Ouais. C'est comme, on dirait qu'ils ont essayé de faire rebooter Alone in the Dark, puis ça a chié. Ils ont échoué la merde. Mais le plus grand fail pour cette série-là, c'est le film. De U-Balls. Oh my god. Ça avait-tu vraiment un rapport avec la série de New York? Pas en tout. Tout ce que ça avait, c'était les noms d'Atsit. Et U-Balls. Ouais. Et Shadow Island, et Edward Carnby, c'est par Christian Slater. Puis, on entre pas plus tard. Qui est capable de faire un kick de la mort impossible à faire. Impossible. Il était allongé à terre. Il était allongé à terre, il est capable de faire un jump pour tomber sur ses pieds. Right! Yeah, right! Même Robin Chou, il est pas capable de le faire. On s'entend. Même Gal n'est pas capable de Street Fighter ne peut pas le faire. Très, très mauvais. Oh, sérieusement. Écoutez-les, là, mais vraiment, là, arrangez-vous pour être en chum. Vous allez partir à rire tout le long parce que c'est vraiment plus une comédie qu'un film d'horreur. Là. Écoutez-le avec les commentaires, ça va être encore mieux. Ah, j'ai pas écouté avec les commentaires. Apparemment, avec les commentaires, c'était carrément un autre film. Oh, ouais. Les commentaires de U-Ball par-dessus. Je pense que c'est même pas U-Ball qui en parle. Je pense que c'est plus le crew pis les comédiens. Je pense que genre... Slater, Reed, d'autres personnes. Puis ça apprend, ça déconne à fond. Quasiment un riff. Ouais, je comprends. Hey, moi, il dit de même. Vous savez que U-Ball, d'habitude, il a tendance à challenger les critiques dans un match de boxe. Dans un match de boxe, ouais. Ouais, on devrait te proposer, PL. Actuellement, se battre contre U-Ball. J'ai actuellement pensé parce que, tu sais, il habite en Allemagne, moi, je suis au Canada. Il est venu tourner au Canada, par exemple, tu le sais, hein? Il est venu tourner Far Cry, ça. Mais ça fait un petit bout de ça pareil. Ouais, c'est là, il est en Allemagne, puis il va collecter son gros retour d'impôt. Oui, beaucoup. Sinon, on va s'en aller en PlayStation. Oh, yes. Mais je sais pas, on devrait commencer par Resident Evil ou par Silent Hill? Resident Evil. Ouais, hein, vu qu'il y en a quand même beaucoup. Et à l'honneur Rétro qui en parle en premier. Ok. Ah, okay. Moi, la première fois que j'ai joué à Resident Evil, en fait, c'était sur PC. Ok. C'est la version PC, mais c'est la même chose que le PlayStation. Puis, je veux dire, j'ai pas accroché. OK. Pas en tout, là, au début. Pas en tout. Pareil. Pareil pour moi. Je pense que quand j'ai vraiment accroché à Resident Evil, c'est Resident Evil 2 quand j'ai joué sur Dreamcast. T'as été quand même plus en pas en retard, mais ça t'a pris un peu plus de temps que nous autres. Oui, parce que j'ai carrément sauté PlayStation puis Nintendo 64 dans le temps. OK. Moi, j'ai commencé avec le 2. Mon ami dans le temps, François Delille, m'avait dit « Hey man, tu devrais jouer à ça, c'est vraiment nice. » Là, comme je suis allé le voir chez lui, jouer au War, je suis comme « Ah, ça a l'air, c'est boboche, là. » Mais quand j'ai vu le 2, j'ai vu les scènes d'action, puis tout ça, j'ai fait « Hey, nice, ça a l'air hot. » Là, je joue au 2. Là, genre, j'étais rendu à faire le tour, tout le temps au 2. Je l'avais le jeu à maison, puis genre, je revenais d'école, ok, j'embarquais sur la PlayStation, je finissais le 2 en une soirée. Et après ça, ah, je le faisais le lendemain, je faisais l'autre histoire complète. Oui, tu peux le faire en 19 minutes. Oui. C'est vrai. Ben, ça me prenait pas 19 minutes, ça me prenait un petit peu plus de temps, là. Ça me prenait à peu près 1h30 par histoire. Rendu quand j'étais habitué, là, ça me prenait à peu près 1h30, puis je prenais mon temps. Mais c'était vraiment nice. Le 3. Le 3, il est bon pareil. Oui. C'est pas. Il est pas. Non, j'adore le 3, là. Moi avec. Moi aussi. Mais explique-toi, Ben. Le 3, je l'ai aimé, mais je sais pas, j'ai comme un attachement avec l'histoire du 2 pareil. Jill, c'est pas le personnage qui m'a plus donné le goût de jouer. C'est... En termes de personnage, je la trouve fade. Comparé à Leon et Claire. Ouais. Ah, ok, voilà. C'est la seule chose que j'ai à dire de mauvais sur le 3, c'est que son histoire est fade. Comment il s'appelle? Rico? Rocco? Pas Enrico, mais ouais, Carlos. Carlos, excusez-moi. Carlos, écoutez, je pense que ça aurait été un bon personnage pour faire un deuxième CD. Il aurait dû faire ça. Il aurait dû faire comme dans le 2, faire deux histoires différentes, mais faire l'autre avec l'autre personnage, faire son histoire à lui de son bord. Ça, j'aurais vraiment apprécié. Sinon, la grande nouveauté qu'il y avait dans le 3, c'est que chaque zombie est différent. Regardez ça, là, les zombies sont à peu près tous différents. Puis le 3 était plus action aussi. Oui. Il y avait Nemesis qui a fait son apparition. Ben, oh, oui. C'est ça qui était intéressant avec le 3. Puis la peur d'avoir Nemesis qui apparaît à n'importe quel moment. Ouais. Tout le long, t'es là, ah oh, non, je... oh fuck, il est là, fuck. Il y a des points clés, mais il pouvait effectivement apparaître à n'importe quel moment. Si, j'ai un exemple, mettons que vous êtes au même spot pendant, mettons, tu sais, un petit bout de temps, là. Ouais. Un moment donné, Nemesis va apparaître. Stars! De ce que j'haïssais, par exemple, du 3 aussi, c'est les munitions. Enfin, tu pouvais faire toi-même tes munitions, mais à un moment donné, ça m'agaçait parce que je trouvais que le jeu était rendu trop facile. Parce que tu disais, ah, ok, il me semble que Nemesis s'en vient. Ok, je vais faire des balles d'acide. Là, tu faisais des balles d'acide à tour de bras. Ouais, t'es comme, ok, là, je suis prêt. Ah, oh, il me manque un petit peu de balles. Ok, je vais aller me chercher de la poudre A, puis de la poudre B, puis je vais faire des balles. Ça, puis après ça, vous avez vu, ils l'ont plus jamais fait réapparaître. C'est vrai. Ils n'ont plus jamais fait réapparaître les munitions. Sûrement pour la raison que tu viens de mentionner. Parce que ça rendait le jeu trop facile. Parce que regarde, là, j'ai jamais eu de problème de balles dans le 3. J'ai eu tout des problèmes de balles dans le 1. Dans le 2, un petit peu moins, mais dans le 3, j'en avais Vita Eternam. C'est clair. Je pouvais vraiment prendre le temps de tuer tous les zombies du jeu. Là. Celui que j'avais le plus de problèmes d'un problème de balles, c'était Dino Crisis. J'ai jamais joué à Dino Crisis. C'était bon, mais à un moment donné, t'avais plus de balles. Tu pouvais rien foutre. C'est vraiment... on va expliquer rapidement. C'est là, je sais pas si tu peux parler un petit peu de Dino Crisis, parce que c'est une branche à part de Resident Evil. Ouais, ça a été fait par Capcom, il me semble. Oui, c'était fait par Capcom. C'était fait par la même équipe, essentiellement. C'est le même engin. Ouais, mais dans le fond, c'est dans le même genre, t'es une fille qui va avec une équipe dans, je pense que c'est un laboratoire, si je me souviens bien, puis il y a des dinosaures là-dedans, finalement, à la place des zombies. C'est Resident Evil, mais saucé à la Jurassic Park. C'est ça. Ouais, exactement, puis c'est dans le même genre, il y avait des puzzles, là, c'était Survivor, t'avais toutes sortes d'armes pour combattre les dinosaures, puis il y en avait à un moment donné, t'avais un gros T-Rex qui te courait après, puis... C'est dans le même genre d'action, mais avec Les monstres c'était beaucoup plus rapide, c'est sûr. Pour des dinosaures, ça allait très rapidement. Oh, ouais, puis tu manquais de balles assez rapidement. Sinon, par ça, on a Silent Hill qui est apparu sur PlayStation. Yeah. On va parler plus tard des autres Resident Evil puis des autres Silent Hill. Mais on va rester concentré dans la génération PlayStation 1, Sega Saturn. Silent Hill, moi le premier, j'ai joué sur la PlayStation 1. PL, c'est toi notre expert sur Silent Hill. Ouais. T'as fait une critique, une série de critiques sur la série. Tes impressions sur le premier Silent Hill sur PlayStation? C'est si tu veux, pour moi, Silent Hill 1, c'était la révélation de ce que c'est un jeu d'horreur. Je dis bien horreur, pas survival ouais. Horreur, horreur. Mm-hmm. Avec une histoire d'horreur, avec. C'est un jeu qui a quand même été très ambitieux si tu considères que, malgré son abstraction, malgré son ambiguïté, tu utilises des images, des imageries assez dérangeantes. Du jour au lendemain, tu ne parles pas du jour au lendemain, mais d'un instant à l'autre, tu es dans un monde que tu ne vois pas ce qui est en avant de toi. Mm-hmm. Qui, dans le fond, c'est Capcom qui a utilisé cet engin-là. Konami. Pour... Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Capcom. Ah, Seigneur. Ah, shame on me. Aïe, aïe. Konami a quand même utilisé le engine que tu voyais pas au bout de toi pour deux raisons. Un, pour créer une atmosphère d'isolement. Et deux, pour permettre le pré-rendu de mieux se faire. Sérieusement, je trouvais que c'était une excellente idée. C'était une excellente idée qui finalement est devenue une marque de commerce, mais il faut juste dire qu'à l'origine, la entre guillemets buée, c'était juste pour des raisons techniques, c'était pas pour des raisons d'atmosphère. Ils ont juste comme tourné ça en atmosphère. Mais sérieusement, moi, c'est ce qui m'a fait embarquer dans le jeu. Clairement. J'entendais la radio siffler quand les créatures s'en venaient. Là, tu te disais, OK, il est où? Puis genre. Tu sais, dans ce jeu-là, tu peux pas utiliser ton gun comme tu veux, là. Non. Fait que le plus clair de ton temps, tu te promènes avec une pipe. Une barre de métal, là. Oui, on s'entend-tu que là, t'attendais. Tu te dis, OK, il est où? Il s'en vient où? Là, tu le vois. OK, là, faut que tu prépares ton swing, là. Fait que là, tu commences à swinguer. Là, tu voyais la bébête passer. T'arrivais des fois à toucher. Des fois, tu n'étais pas capable de le toucher. Jusqu'à temps que tu arrives à ta terre. Là, fallait vraiment que tu lui donnes le coup final. Ah! C'était quelque chose. Les pires, c'était les petits bonhommes dans l'école. Ceux qui avaient des couteaux, puis il y avait des petits rires. Puis là, ils couraient après. Puis, oui. On les voyait très mal en plus. Ils étaient tout petits, ils étaient quasiment invisibles. Ça, eux autres, ils étaient fréquents. Hein, les ombres. Ouais. Les bébés ombres. J'ai jamais compris le principe d'eux autres. C'est, est-ce que je peux t'expliquer? Oui, vas-y. C'est le symbole de ça représente l'isolement d'Alessa. Le fait que quand elle était à l'école, vu qu'elle avait des forces entre guillemets surnaturelles, était toujours isolée. En dedans d'elle, ça la faisait pleurer. Ben ça donne ce qu'on appelle dans le jeu le ghastly baby, okay. Qui est le geist qui est quasiment invisible, qui fait réagir sa radio. Mais qui ne t'attaque pas. Mais même à ça, t'entends-là, la radio réagit, tu te dis, il y a un monstre en quelque part. Fait que tu sais, à ce niveau-là, Silent Hill est efficace. Oui. Il y a des puzzles dans ce jeu-là. Moi, j'ai toujours été pogné à un puzzle. Lequel? PL rit de moi à cause de celui-là. Pas le piano. C'est le piano. Moi, je bloquais au piano. Ah, j'avais pogné Seigneur. Aussi. Il est pas facile, non, je ris pas de toi. Il est vraiment pas facile. Il y a une certaine suite logique, même si tu connais pas tes notes. Puis en fait, il n'y a pas grand chose quand on y pense. Il y a une suite logique. Dans le fond, c'est juste, t'as des oiseaux noirs, puis t'as des oiseaux blancs. Mm-hmm. Mais c'est parce que t'es après lire ton texte. Puis, dans le fond, tu vois juste quelques paragraphes. Fait que ce qui arrive, c'est que tu. Si t'as manqué un bout, ben faut que tu retournes à lire le paragraphe. Mais bon, faut dire aussi que c'était dans le temps du PlayStation 1. Oui, c'est sûr. Mais le point demeure que fallait quand même, pour ce bout-là, il fallait quand même que tu aies une critique de bonne mémoire. Mm-hmm. Toi, Rétro, on t'entend pas beaucoup parler. Est-ce que tu as aimé le premier Silent Hill? Non. Non? Parce que je trouvais que les contrôles étaient mauvais. Si je peux faire une intervention, c'était un petit peu ça le but, vu que tu étais un personnage plus Average Joe. Ouais, mais quand tu sacres après les contrôles, tu peux pas embarquer dans un univers. Oui, mais toi, moi, j'ai passé. Non, non, mais j'ai joué, je pense, 20 minutes à ce jeu-là, sur oui. PlayStation original. Oui. Puis j'ai abandonné parce que les contrôles me faisaient carrément chier. Je trouvais que c'était des contrôles de tank, mais contrôles de tank à l'envers. OK. Puis à chaque fois que je voulais aller dans une direction, ça allait pas dans la bonne direction. Chaque fois que je voulais faire un move, ça faisait pas la bonne affaire. Fait qu'au lieu d'apprécier genre le jeu, ben j'étais toujours en train de crisser ma manette à terre. Non, c'était vraiment choppy, mais je m'avais habitué même après tout ce qui s'est passé. Mais les contrôles ont vraiment joué à la fin, par exemple. Je me souviens, le dernier boss, c'était Dieu. Ben, Dieu, tu c'était ouais, allait ça des bus. Avec la forme qui était avec sa robe blanche, puis... Il y a deux formes de boss final, là, mais c'était celle avec la robe. Mais tu sais, j'ai jamais pu la battre parce que j'avais aucunement d'énergie. J'avais un coup, j'étais mort. Puis il fallait courir et faire une espèce de pas chasser pour éviter les éclairs. Mais c'était tellement dur à faire, j'ai jamais réussi à la battre. Et j'ai dû checker les fins sur internet plus tard, étant adolescent. Moi j'ai eu beaucoup de misère aussi, mais je t'avouerai que j'avais un petit peu plus de points de vie rendus là. Fait que j'ai été capable de pouvoir de voir la fin de cette fin là. Mais j'ai jamais réembarqué, j'avouerai. J'avoue qu'à cet Halloween-ci, j'aimerais ça embarquer dans une game de Silent Hill pour l'occasion de l'Halloween. Finalement, je te mets au défi de m'inviter pour ça, Big Ben. On veut qu'on filme ça. OK. Sinon, il y a un autre jeu également d'horreur qui est sorti, qui est un peu moins connu. Mais la série est très connue quand même. On parle de Evil Dead. C'est dommage, ça. C'est vraiment pas le meilleur jeu de la série. Je vais en parler rapidement de mon bord. On va pouvoir en discuter après. C'est comme un peu une suite du 3, du 2. On retourne à la cabine pour tenter de détruire le livre des morts. Excusez-moi, j'ai de la misère à le dire ce soir. Oui, c'est ça. Et finalement, on essaie d'aller le détruire. Et finalement, il faut résoudre des puzzles, il faut réussir à tuer les bébites. La chose que j'ai plus détestée dans ce jeu-là, comme Sylvain disait tantôt, les contrôles. Dans ce jeu-là, les contrôles sont à chier. J'avais beaucoup de misère à tuer les monstres. Aussi trouver de l'essence pour la chainsaw, t'avais pas beaucoup de balles, la hache ça servait quasiment à rien. Ah, c'était vraiment mauvais comme jeu là. J'aimerais avoir vos avis, vous autres. Je pense que c'est ça. Je pense que pour compléter tes arguments, Big Ben, ouais. C'est surtout le hit detection qui est nul. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est ça le vrai problème. Ben, pas tant le vrai problème, mais. Un des problèmes majeurs de ce jeu-là, on parle aussi sur PlayStation 1. Ouais. Non, PlayStation ça, c'est 1 Dreamcast. C'est ça. L'aid detection, OK, il est quasiment inexistant. Ouais. Ce qui rend la chose très plate. Ouais. Vous autres, les gars, est-ce que vous avez joué à ça aussi? Non. Non, je ne vais pas commenter non plus. OK. Sinon, on va embarquer également dans un autre jeu que PL a déjà critiqué, le deuxième titre, c'est Nightmare Creature. Oui. Mm-hmm. C'est dommage que la série a arrêté parce qu'il y avait un feature que j'adorais dans ce jeu-là et c'était le feature d'adrénaline. Oui. C'était vraiment nice parce que plus vous réussissez à tuer des bébêtes, plus vous réussissez à monter cette jauge-là. Mais si vous en avez plus, vous perdez des points de vie rapidement. Là, il faut vraiment que vous pensiez à trouver le moyen d'ajouter de l'adrénaline. Ça, j'ai trouvé ça plate quand on ne retrouve jamais ce feature-là dans des jeux d'horreur. Je sais pas, c'est pour toi ton avis, PL. C'est effectivement un bon feature, mais c'est un temps un petit peu dur à implémenter. Mais regardez! Callisto l'a fait. Fait que si Callisto ont pu le faire, je vois pas pourquoi que... Des plus expérimentés comme les Capcom puis les Konami de ce monde ne pourront pas le faire non plus. Sérieux, mais ce qui est bon aussi, c'était le système de combat, les créatures qui étaient vraiment différentes dans ce jeu-là. C'était un third person, finalement, vous étiez en arrière. Moi, j'ai joué au premier, j'ai pas joué au deuxième. On jouait soit un gars ou une fille, le gars avait un long bâton, il fallait que vous rentriez dans les monstres, puis... C'était vraiment c'était finir le tableau le plus important, puis d'essayer d'avoir le plus de vie et d'adrénaline dans votre corps pour essayer d'avancer dans le tableau. C'était vraiment ce qui était primordial dans ce jeu-là, finalement. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, PL? Même un an plus tard, je recommande de vous procurer autant le Nightmare Creatures 1 que Nightmare Creatures 2 pour votre collection si vous le trouvez sur PlayStation 2. Et j'en profite, je trouve ça hyper dommage que Ubisoft ne veuille rien faire pour Angel of Darkness. Mm-hmm. C'est peut-être le troisième ouais. Nightmare Creatures. Écoutez, il a même sorti, je pense que c'était étrangement, je trouve ça étrange qu'il ait sorti ça à ce moment-là, mais en début d'année environ, il y a même eu un film fan-made de la suite de Nightmare Creatures 2. Fait qu'il y a un fanship, il y a un intérêt sur Nightmare Creatures 2, sur la série Nightmare Creatures. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Il pourrait avoir quelque chose. Vous, les gars, vous avez joué également? Moi, j'ai la version Nintendo 64, puis j'ai pas joué encore. Ah, t'as pas jamais joué? Ok. Puis toi, c'est là? J'avais le premier sur PlayStation où je l'avais loué, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs du jeu. Ok. Je pense à peu près tout. Ah oh, non, excusez-moi. J'ai oublié Soul Reaver, Legacy of Kain. Ah, mais je vais faire. Deux excellents jeux. Et oui. J'avouerais par exemple que Legacy of Kain, j'ai eu beaucoup de misère à partir du jeu. Mais j'étais jeune quand j'ai commencé à jouer à ce jeu-là, donc. Faudrait peut-être que je réessaye, faudrait que je l'achète sur PSN le premier. Pour Soul Reaver, ils sont nettement supérieurs au premier. Soul Reaver est vraiment bon. J'ai encore ma copie de PlayStation 1 à la maison. C'est un excellent jeu. Oui, je l'ai encore. J'ai pas la boîte, par exemple, mais j'ai mon CD encore. Je suis vraiment content. C'est un excellent jeu. Si vous êtes finalement, vous jouez le rôle de. Raziel. Raziel, qui se fait tuer, mettons, on pourrait dire tuer par Kane, qui est un vampire très puissant, parce que Raziel semble être plus puissant que Kane, et Kane n'aimait pas ça, fait que il l'a tué, sauf que il y a une entité qu'on connaît pas qui le ramène à la vie et qui lui donne le pouvoir de manger les âmes des vampires, finalement. Le jeu est excellent, c'est un excellent. On dirait que c'est un platformer, hein? Ouais, c'est un genre de platformer. Puis, c'est ça. Vous avancez dans les tableaux, vous tuez les bébites, vous tentez de résoudre des énigmes. Mais, sérieusement, c'est un excellent, un must-have à avoir. Pour ce qui est du premier, en tout cas, jouez au premier, voir si vous allez aimer ça. Mais Legacy of Kain puis Soul Reaver, c'est vraiment deux séries différentes. Oui. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir joué à Legacy of Kain pour jouer à Soul Reaver. Moi, c'est ma recommandation. Mm-hmm. Sylvain, est-ce que toi, t'as une idée aussi? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? On est rendu à quoi, là? On serait rendu... Soul Reaver, Legacy of Kain. Ah, OK, ben... Soul Reaver 2, c'est l'histoire de ça, c'est excellent. Mm-hmm. Par exemple, le dernier qui ont essayé de patcher les deux séries ensemble, Defiance, je l'ai trouvé un peu trop compliqué. Mm-hmm. Defiance. Puis, c'est ça, là, pour Soul Reaver, c'est tout ce que j'avais à dire. Toi, c'est est-ce que tu as déjà joué? Ouais, j'avais la version de PC. Je sais pas si c'était le premier ou le deuxième, par exemple. Je pense que c'est le premier. Bah, les deux sont sur PC. Fait que... Je sais plus c'est lequel du tout, mais tu sais, chaque fois, on voyait Kane. Puis là, je me disais, écoute, on va-tu péter la gueule un jour, là? Mais... On le voit souvent, mais ça prenait du temps. J'avais pas joué tant que ça, mais je me souviens que j'aimais beaucoup le personnage. C'est comme une espèce de bonhomme. Il était bleu, il me semble. Il ressemblait quasiment à une chauve-souris. Oui. Mm-hmm. C'est ça. C'était cool, mais j'avais pas tellement joué parce qu'à un moment donné, j'avais changé de PC. Là, fait que je l'avais plus. Moi, j'espère que. En ce moment, on sait que l'équipe d'Eidos travaille sur Tomb Raider. Oui. Mais je sais que Eidos ont la propriété de Legacy of Kain. Oui. Alors, je touche du bois, j'espère que ce sera une des prochaines séries qui vont rebooter, parce que là, ils sont en train de travailler sur Thief, ils sont en train de travailler sur Tomb Raider. J'espère que ça va être le prochain. Blood Omens, je pense que lui, c'était un prequel, parce que de... Oui, ça se passe après le premier Legacy of Kain. Après le premier? Oui, parce que le premier, c'est Blood Omens. J'ai toujours pensé que Blood Omens était... Oui, t'as raison. Mais j'ai pensé que Blood Omen, c'était le. Quand t'as Blood Omen, c'est Legacy of Kain. Puis t'as Legacy of Kain, Blood Omen 2 qui se passe avant les Soul Reaver. Et dans Blood Omen, ben, tu joues Kain. C'est ça. Oui. Mais ça, moi, je joue avec. Ça, voyez-vous, c'est un jeu que. Peut-être que vous autres pourrez m'aider, ou même les autres accros pourraient m'aider en même temps. C'est un jeu que j'aimerais beaucoup ça rejouer, puis je sais qu'il se joue sur PC. Mm-hmm. Blood Omen. Oui. Mais moi, sûrement. Mais, mais croyez-vous qu'il peut se jouer sur Windows XP? Moi, je le souhaite. Tu peux le trouver sur Wii puis sur PlayStation 2 aussi. Tu penses? Oui. Ben, Blood Omen, le premier, là, on parle. Moi, je parle de Blood Omen, le premier, là, ouais. Qui est PC, ouais. Ouais, c'est lui aussi. Ouais, c'est sur XP que je jouais, moi, ça. Celui où c'est que Kane, il l'a perfecté. Comment? Avant qu'il devienne vampire. Là. Ben, c'est ça. Avant qu'il devienne vampire, puis après qu'il soit un vampire. Parce que maintenant, ouais, ouais, c'était les deux. Il devient vampire à partir du deuxième niveau. Ouais. Non, ça, j'aimerais bien grosso me le pogner, ouais. Ok. Quoi d'autre? Comme, je sais pas, je pense que Ben, tu voulais sauter vers les... Ouais, on va aller à la prochaine génération. Non. Je vais te donner du temps rapidement, parce qu'il faut quand même... parce qu'on a beaucoup, on a quand même deux autres générations à couvrir. Je vais te donner une couple de minutes pour que tu puisses jaser de ton jeu. Fair Effect. Fair Effect. C'est un jeu d'horreur, ça? Ah ouais. Ça commençait avec un jeu style futuriste, d'accord, mais ça implique qu'à un moment donné, vous faites affaire avec des fantômes de style folklore chinois, avec toutes les éthiques des fantômes de folklore chinois. À un moment donné, vous transportez à l'enfer. Dans la fin du 2, vous combattez un démon majeur de l'enfer chinois. Ok. Moi, j'avais joué juste un petit peu au 1, mais j'avais tellement eu de misère à jouer que j'ai comme droppé le jeu. Là, j'ai comme fait OK, là, c'est pas. Oui, t'as raison. Quand on voit un peu le style, mais tu peux quand même t'habituer en prenant ton temps. C'est un jeu qu'il faut que tu prennes ton temps. OK. Vous autres, les gars, est-ce que vous avez déjà joué à ça? Parce que moi, j'ai jamais. Non. Non plus. Mais j'ai une suggestion pour la dernière génération, vu que c'est récent, on connaît mieux. Je pense que les gens sont plus familiers avec ça. Là. Ben, je voulais embarquer dans la PS2, puis après ça, finir c'est avec ça, la PS3. Pour la dernière, oui. Ouais. Qu'on donne nos suggestions de jeux à la place. Oui. Ouais, on donnera ça à la fin. Juste ouais. Une suggestion à la place de. Tu sais, il y en a comme Silent Hill, on s'entend qu'il y en a des tonnes. Y a Homecoming, ouais. Downpour, tout ça, on les connaît. Ouais. Là. Fait que je pense plus qu'on devrait viser la suggestion. OK. On va finir avec l'ancienne génération, ouais. Qui est PlayStation 2, GameCube, puis après ça, on va proposer nos suggestions pour la Xbox. C'est bon. Pour ce qui est de GameCube, PlayStation 2 et Xbox, on se rend compte que plus que les graphiques deviennent meilleurs, qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux d'horreur qui sont apparus dans cette génération aussi. Et on peut commencer avec la PlayStation 2, vu que c'est l'une des premières qui est sortie. Dans les premiers jeux d'horreur qui sont apparus, est-ce que vous avez des idées de PlayStation, dans le PlayStation 2, est-ce que vous avez des idées de jeux d'horreur? Fatal Frame. Fatal Frame, indeed. Ouais. Ouais, commençons avec Fatal Frame. Je vais te laisser y aller, Rétro. J'entends un petit peu de ce jeu-là. Mais dans le fond, c'est... l'histoire de... c'est japonais, c'est typiquement japonais. Il y a un appareil photo qui s'appelle l'Obscura Camera, quelque chose du genre. Ouais, Camera Obscura, exactement. Puis c'est avec ça que tu peux voir les traces de fantômes, etc. Puis là, c'est assez freakant comme jeu, sérieux, là. C'est pas un jeu d'action. C'est pas un jeu à la Resident Evil où faut que tu cours partout puis que tu faut que tu résoudes des puzzles, mais tu peux pas vraiment te défendre. OK. C'est un peu à la Clock Tower, là. Fait que, c'est ça, faut vraiment que tu fasses attention en te promenant. Faut que t'évites la plupart des fantômes. En tout cas, dans le dernier que j'ai joué... Oui, absolument, je confirme. Je confirme ce que Retro dit. Moi, je me rappelle d'un des premiers jeux que j'ai joué. On continue avec la série Resident Evil. Code de Verenka. Ah, oui. Qui est un peu le mal-aimé. Je dirais de la série. Il est bon, pourtant. Il est bon, mais le monde joue moins. Je sais pas pourquoi. Parce que à cause que les gens s'en servent plus avec les nouveaux gameplays. Le gameplay du Resident Evil 4 qui s'est transporté machinalement dans le 5 et qu'il s'est depuis amélioré avec le 6. Oui. Moi, c'est je vrai. Pense que le mal aimé, c'est plus celui où il y avait plusieurs choix de personnages. Qui, au début, c'est dans un bar. Je me souviens plus c'est quoi le titre. Online. Non, c'est de la merde. C'est Outbreak. Outbreak, c'est ça. Ouais. C'est le jeu en ligne, c'est ça. Je pense que c'est le... Moi, j'avais aimé ça, pourtant. Ah, ouais. Moi, j'ai pas aimé ça, moi. Ouais, tu joues en coop avec quelqu'un, puis... Ce que j'aimais pas, c'était comme si t'échouais le niveau, tu devais recommencer le niveau, puis c'était long, là. Mais il y avait pas beaucoup de niveaux, mais c'est ça, j'aimais pas, les niveaux étaient trop longs, tu pouvais pas saver ou quoi, entre-temps. Mm-hmm. C'était trop long, moi, je voulais essayer de trouver du temps pour jouer à ce jeu-là, j'avais pas toujours le temps. Mais j'aimais bien le concept, par exemple. Moi, pour ce qui est de mon... Dead Aim aussi est sorti cette année-là. Oh, mon Dieu. Avec le pistolet. Quelle affreusité. C'était mauvais. Mauvais, mauvais. L'idée est bonne. L'exécution est mauvaise. Ouais, c'est ça. Guilty pleasure en ce qui me concerne, par exemple. Je suis coupable. C'est un guilty pleasure pour moi, Dead Aim. Mais c'est quand même une branche qui a quand même évolué dans son côté, puis qu'on a retrouvé plus tard sa Wii. Oui. Avec Umbrella Chronicle, puis on ne me rappelle plus du nom de l'autre. En tout cas. Parce que le motion control aide à ce genre de jeu-là. Ouais, c'est ça. PlayStation 2, il n'y avait pas ça. Mais on a l'impression, surtout avec la PlayStation 1, qu'ils avaient toujours tenté de faire un first person avec ce jeu-là. Ouais, avec Survivor, puis etc. Ouais, ça n'a jamais marché. Mm. Sinon, à part ça, moi je vais être GameCube. Eternal Darkness. Ah, oh, tellement. Guys. Tellement un bon jeu. C'est possiblement le meilleur jeu d'horreur de cette époque-là. Oui, ah, définitivement. Sérieusement. Avec les effets de sanité, puis même les affaires qui te font battre triper, comme si t'avais perdu tes save games, puis des affaires de même, là. Ben, il y a un problème avec votre GameCube. Tu paniques pour rien. Oui. Tu veux m'emmener, tu peux vraiment, t'as plus de tête. Ouais. La tête, elle pisse la sang, mais tu continues à jouer pareil. C'est comme, ah, nice! Le problème s'enfonce dans le plancher comme un bug de truc graphique, puis finalement, ça revient, puis c'était normal. T'sais. C'était tellement un bon jeu. Très difficile à obtenir à cette heure. On va voir rapidement sur eBay. J'ai trouvé de couple, 15-20 pièces. T'as trouvé à 15-20$? Hey, écoute, moi, là, je check, là, des fois, là, ça monte très cher, là. Faut-tu le pointer dans le bon temps? Ouais, c'est ça. Regardez, je vais regarder rapidement, je suis dessus, là. Une bonne copie, là, ça commence dans les alentours de 25$ plus les taxes, plus le shipping. C'est acceptable. C'est acceptable, mais ça vaut vraiment la peine. Une dizaine d'heures de jeu. Ah, oh, facile, hein. En plus. Puis, il y a beaucoup de stock là-dedans. C'est vraiment bon comme jeu. Toi, C.E., qu'est-ce que t'en penses de ce jeu-là? J'ai pas eu la chance de l'essayer. Un jour. Je me fixe ça, là. Dommage, de la part de Silicon Knights, c'est qu'ils n'ont jamais fait de suite. Je ne comprends pas pourquoi. Encore parce que c'était sur GameCube. Donc, son succès est un petit peu en même temps limité, je veux dire. Eternal Darkness avait avantage à être multiplateforme. Mm-hmm. Ouais, mais c'est un jeu qui était publié par Nintendo. C'est vrai que Silicon Knight n'est pas à cause ça. Ouais. Puis là, Silicon Knight sont rendus partout sur cross-platform. Puis si on connaît l'habitude de Nintendo de garder des portions de licence. Ouais. Mais tu sais, sans la prendre totale, tu sais, fait qu'on est pogné avec des licences qui sont comme pognées comme Killer Instinct finalement, là. Ouais. Sinon, à part ça, côté PlayStation 2, je me rappelle d'un jeu qui s'appelle Siren. Ah, Simonac. Jeu extrêmement difficile. Détestable. Oh, oui, détestable. C'est très difficile à jouer. Vous jouez le rôle d'un personnage qui se ramasse nowhere dans un endroit. Puis qu'il faut qu'ils fassent attention à pas se faire repérer par des créatures, car si elles sont repérées, c'est ta mort automatique. Ouais. Mais t'as un pouvoir, tu peux regarder dans leur champ de vision. Ouais. C'était dur. Très dur à retrouver aussi récemment. J'ai tenté de retrouver le jeu, j'ai pas été capable. Siren, j'ai la misère à le trouver. Au macroplay de mon coin à la chaîne, veux-tu que je le pogne? On s'en reparlera. Pas de problème. Sérieusement, très bon jeu quand même, très difficile si vous avez vraiment l'horreur point, là, t'sais, pas survival, c'est vraiment horreur. Vous allez aimer ça. Sinon, à part ça, de cette génération-là, Manhunt, on pourrait-tu dire ça que c'est un jeu d'horreur? Non. Oui, hein? Puis non. Oui. C'est un jeu gore. C'est un jeu gore. C'est un jeu gore, mais il n'y a pas vraiment d'éléments d'horreur en tant que tel. Ouais. Après tout, c'est pas un. Il n'y a pas rien vraiment d'horreur là-dedans, c'est comme l'équivalence d'un snuff. Mm-hmm. Moi, ça me fait penser à un truc de tueur en série, genre, mais. Tu sais. Mais. Comment dire? Est-ce que c'est vraiment horreur? C'est entre les deux. Sans doute. De la même compagnie, The Sufferings aurait plus de mérite d'être considéré horreur. Oui, c'est vrai. Suffering, c'est un très bon jeu d'action, horreur. Toi, tu jouais-tu en first person ou en third person? Parce que tu avais l'option de faire les deux. Je préfère toujours le third person, personnellement, de toute manière. C'était très fucké comme jeu. Oui. Surtout le 2, tu jouais l'histoire d'avant le 1. C'était vraiment fucké. Mais c'est un bon petit jeu. Il est pas trop cher quand vous êtes capable de le retrouver. Si vous cherchez un jeu d'action horreur. Mes préférés pour ce qui est de la PlayStation 2, mis à part Eternal Darkness, pour moi, c'est le deuxième Evil Dead. Non, oui, on en parlait déjà par le passé. Oui, avec. Il était pas cher quand il était sorti. Il était comme 30$. Je vais juste essayer de. Je pense que le jeu s'appelait Office for, Regeneration. Pour moi, c'était Regeneration que j'avais adoré. Avec le petit Dead Eye qui te suit tout le temps. Puis qu'il faut que tu l'utilises pour certains puzzles. Puis oh my god, que ce gars-là. C'est, en plus, je pense que c'est le frère de Sam Raimi qui a fait la voix. Puis. À chaque fois que tu lui faisais faire de quoi, il chialait. Il disait des phrases ridicules. Ou bien, t'avais un puzzle à résoudre. Fait tu lui bottes dans le cul pour qu'il tombe dans le panier puis qu'il rentre dans un compresseur. Puis ça le déchiquetait. Puis c'était drôle. Absolument. Ça, c'est un de mes Evil Dead préférés dans les jeux, là. Fistful Boomstick, je l'ai également, il est bon, mais c'est le gameplay qui est mauvais, je trouve, un petit peu. Tu te promènes en third person, faut que tu te promènes partout, t'as plein de deadites qui arrivent près de toi, faut que tu les tues, faut que tu trouves des clés. C'est pas vraiment le meilleur, mais si vous avez une chance, trouvez-vous Regeneration, un must-have si vous adorez Evil Dead. Est-ce que vous avez déjà joué à ces jeux-là, Evil Dead? Celui que tu as donné des éloges, j'ai toujours voulu jouer, j'ai jamais eu la chance. Regeneration? Ouais. Il faut que tu te le trouves. Puis il est pas cher encore. Quand tu checks sur eBay, là, il est pas cher encore. Fait que non, c'est vraiment mon préféré. Est-ce que vous avez d'autres jeux de cette génération-là? Je pense qu'on a fait le tour, là. Ouais. Le tour des plus populaires, c'est pas pour citer toutes les sequels, comme les Silent Hill 2 à 4, qui étaient bons. Ça. C'est la même chose, ça revient au même. C'est des bons, mais... Yes, ils ont essayé des approches différentes, mais c'est ça, là. Ouais. Fait que, ben, vos suggestions, les gars, je vais commencer avec. Je vais commencer avec Antithèse. Oh. Dernière génération, quel jeu tu recommandes pour Halloween? Pour Halloween? Oui. Ça dépend comment vous filez. Si vous filez plus haute tension, Silent Hill Downpour. Si vous filez plus vargé dans le tas, effectivement, Splatterhouse, même si Splatterhouse c'est. Je vous recommande juste de soit le louer, soit de vous procurer pour. Pas plus haut que 10$. Sinon, jeu d'horreur. Le problème aussi, c'est que... Je sais pas si vous avez remarqué, mais... vu que la PlayStation 2 a été marquée beaucoup par les jeux d'horreur, justement, il semblait que dans la PlayStation 3, ça soit été délaissé un petit peu. Les jeux d'horreur. OK. Non? Ben, je te dirais que, surtout, ben... Faut dire que c'est PlayStation 3, Xbox 360, c'est la génération de Call of Duty, fait que... C'est ça, tu sais. Les jeux d'horreur sont un petit peu moins là, puis je l'avoue, mais c'est un petit peu à cause de ces genres de jeux-là qui sont très très populaires. Fait que c'est mon opinion. Oui, ça fait du sens. Mm-hmm. Mais à l'inverse, sur ordinateur, t'as les Fear, t'as les. J'avais le terme au bout de la langue. Là. Mais bon, au minimum, t'as les Fear que c'est. Même si c'est comme c'est. Considérablement horreur. Garde, parle-toi à un autre pendant que j'y pense. Là. Ok. Ben, je vais demander d'abord à Retro, toi, ton avis, les jeux récents. Qu'est-ce que tu recommandes? Sur Steam, je pourrais recommander Lone Survivor. Lone Survivor, tu peux nous en parler rapidement? C'est un genre de side-scroller fait à graphique style 8-bit, un peu. 8-bit, 16-bit. Okay. Ça se passe beaucoup dans le noir. Dans le fond, c'est un survivant d'une grosse plague dans une ville. Il faut que tu sortes de là. Mais tu vis un peu des passes d'insanité, là, comme dans Eternal Darkness, un peu. Là. OK. Tu sais pas toujours qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vrai. Puis... C'est à peu près comme ça. Oh, hein, ça a l'air bon. C'est bon, je suis en train de regarder en ce moment. Là. Ça... Oui, c'est vrai que tu as de la popée. Toi, c'est eux. Qu'est-ce que tu recommandes comme dernière génération de jeux d'horreur? Récent, on a délaissé pas mal Xbox. Oui. Fait que je vais revenir avec un, avec Alan Wake. Oui, c'est thriller, horreur, thriller horreur, c'est vraiment excellent. La soundtrack est super cool. Puis en même temps, il y a des moments calmes, mais tout d'un coup, ça tombe à un moment vraiment épique au niveau action. Puis ça peut donner un certain stress. Donc moi, j'irai pas à Alan Wake. PL, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est ça. C'est pendant que Retro et Théon parlaient que je les écoutais. Ouais. Très bon choix pour ça, messieurs, sur vos jeux. J'ai eu des flashs sur Amnesia The Dark Descent sur PC. Okay. Et Penumbra qui est un jeu qu'on peut jouer sur internet gratuitement. En tête, je n'ai pas les liens, mais si vous voulez des jeux d'horreur par excellence qui sont plus intuitifs que Slenderman, il y aurait les jeux de la série Penumbra. Ok. Je connais pas en tout. Non? Non. Ben, va checker ça. Ok, moi, regarde ça maintenant. Oui, Benoît. Oui. Moi, de mon côté, ben écoute, je vais y aller rapidement. Il y a deux titres que je peux vous recommander qui sont sur Steam, qui sont très très bons pour ce qui est des jeux d'horreur. Le premier, pour moi, c'est une série qui est très méconnue parce que c'est un style qui ressemble beaucoup à... ça ressemble beaucoup à Doom ou à, pour moi, je le mettrais plus à côté de Serious Sam, c'est la série Painkiller, que j'aime beaucoup. Painkiller. Il y a la Black Edition qui est disponible sur Steam, qui est pas cher, c'est un jeu rétro quand même. Ça se joue sur des vieilles ordi, mais c'est tellement bon. Si vous avez juste besoin d'un feeling de tuer des bibittes à tour de bras, je vous le recommande. Puis pour Halloween, expressément, pour moi, je pense que j'irais avec la série Left 4 Dead. Pour moi, ça serait un must-have. Jouer en gang à Left 4 Dead, à tuer des zombies à tour de bras et essayer de survivre. C'est vraiment bon. J'espère que Valve va nous préparer un Left 4 Dead 3 un jour. Ça serait vraiment génial. Puis, je pense qu'ils le font. Peut-être, j'espère. Mais secrètement. Peut-être. Mais sérieusement, puis allez pas chercher la version Xbox. Allez chercher la version sur Steam parce que vous avez les updates gratuits. Les extensions sont gratuites sur Steam. Donc, écoutez, vous allez payer. Mais pas sur Xbox. Pas sur Xbox. Il faut payer sur Xbox. Ben voyons donc. Pour les tableaux, ouais, il faut payer. Faut payer. Tandis que sur Steam, c'est gratuit. Donc, pour 20$. Vous avez un papier d'ordi, allez vous l'acheter, ça vaut vraiment la peine. Passer du temps de qualité en gang à jouer puis à tuer des zombies à tour de bras. Sinon, à part ça, pour moi, ça serait tout pour ce qui est des jeux d'horreur de cette génération aussi. Binding of Isaac, ce serait aussi un très bon jeu. Oui. Je pense que c'est notre jeu, un de mes jeux préférés cette année, ça va être dans Binding of Isaac. Sérieusement, j'adore ce jeu-là. Puis, c'est un must-have à avoir pour quelques piastres. Vous allez adorer ce jeu-là. D'ailleurs, un des prix qu'on avait fait tirer n'a toujours pas été réclamé. Fait que celui qui n'a pas eu son Binding of Isaac, s'il vous plaît, me contactez plus vite rapide. Oui. Alors, je pense que ça, c'est tout pour notre podcast d'Halloween 2022. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été vraiment génial. Oui. C'est intéressant. Très, très intéressant. Alors, je vais commencer avec PL. Comment on peut te contacter sur les internets? On peut me contacter par antythese@yahoo.ca ou @gmail.com. Je suis également très rejoignable sur le site de accrodesjeux.com, sur les forums. Vous me posez des questions, moi je donne des réponses. Sinon, il y a le Twitter sur antithèse16 ou sinon quoi d'autre. Je pense que c'est pas mal tout. ça se peut que j'aille un nouveau compte, c'est que les gens peuvent me rejoindre et aussi que dans le fond, ça va de page personnelle. Okay. Mais je vous dirais que pour que ce soit mes vidéos ou mes articles, ils seront d'abord publiés sur accrodesjeux.com. D'accord. Toi, on va y aller avec Rétro. Comment on peut te contacter? On peut sur le forum d'accrodesjeux.com, sur ma page YouTube ou sur ma page Facebook de RetroGamerPQ. C'est comment on peut te contacter, toi? Également sur accrodesjeux.com, comme le reste de l'équipe. Sur ma page Facebook à ReviewerCE, sur le Twitter ReviewerCE ou ReviewerCE à commercial@mail.com pour des questions. Je peux répondre. Alors, pour moi, ce qui est de mon cas, Benoît Miandette, je m'occupe du compte officiel de Accrodesjeux sur Twitter. Donc, si vous écrivez une question sur Accrodesjeux sur Twitter, c'est moi d'habitude qui réponds. Je réponds également aux emails sur le email officiel des Accrodesjeux à accrodesjeux@commercial.gmail.com. Il y a le forum également, vous pouvez me contacter là-dessus en message privé, il n'y a pas de problème. D'habitude, j'ai tendance à répondre, sauf si vous m'écrivez 4 paragraphes au complet d'à peu près 200 mots chaque. Ça, d'habitude, je prends un peu moins de temps à lire. Sinon, à part ça, pour ce qui est du Facebook, je refuse les invitations. Je reçois encore des invitations sur Facebook pour être ami personnel. Ma page privée de Facebook est à moi et à mes amis. Ce n'est pas pour les membres des accros. Mais si vous faites partie sur la page Facebook d'Accros des Jeux, d'habitude, je réponds à tous les messages qui sont là-dessus avec l'aide de notre ami, le grand et puissant Gigueur, qui nous aide à chaque mois avec des updates de site, avec les photos, les vidéos qu'il trouve. C'est grâce à Gigueur, finalement, si le site roule sur les belles photos que vous pouvez trouver sur le site d'Accro des Jeux. C'était tout pour le podcast des accros. Merci beaucoup, les gars. C'était vraiment génial. Oui, et, merci à toi, Big Ben. Ouais. D'être là. Et attendez-nous au mois prochain parce qu'il va y avoir beaucoup de podcasts différents. On planifie peut-être faire un podcast sur les mondes de Ralph qui sort le 2 novembre et que tous les accros attendent avec impatience d'aller écouter ce film-là. J'y ai des doutes, personnellement. Je vais commencer avec. Excuse, Rétro, vas-y. Non, j'allais dire, c'est le moment geek du mois de novembre. Toi, qu'est-ce que tu as dit, PL? J'ai des doutes sur le monde de Ralph. Ah oui, t'as beaucoup de doutes? J'ai des gros doutes. Bon, allez le voir pareil. Bon, allez le voir pareil, mais j'ai des gros doutes. Toi, c'est là, qu'est-ce que t'en penses de ce film-là? Tu penses que ça va être bon? Des doutes peut-être, là, mais bon, on va bien voir. Hein. Moi, je me fais pas trop d'attente, donc c'est bon, c'est bon. C'est mauvais, c'est mauvais. D'accord. Fait que, merci beaucoup de nous avoir écoutés, les accros. On va vous redonner des nouvelles sur la page Facebook ou Twitter. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur iTunes, suivez-nous sur le site, et ainsi que tous les forums, le forum des accros, ainsi que les pages YouTube de tout le monde. Alors, c'était le Big Ben pour les accros des jeux. Et avec Antithèse. Ouais, excuse-moi, vas-y. C'était bon, excuse-moi. C'était Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et c'est pour le podcast des accros. Merci beaucoup. À la prochaine.